Hello, my name is Samuel L. Jackson, and right now, this is Powercast, motherfucker. Culture découverte. Wunderbar. Arte. Bon, je crois que c'est une super intro. Parti, bon. Ouais. Eh ben, bonjour tout le monde, bienvenue dans ce super Powercast saison 2, épisode 2. Très excusez-moi bien. Du peu. Nous sommes aujourd'hui accompagnés de le bon Nicolas Suri. Bonsoir. Salut Nico. Bonsoir, bonsoir, le vrai, bon Nicolas. Quentin Pouliz. Oui. Bonjour. Voilà. Le bon Clément Roberts. Bonsoir, bonsoir. Et Jules. Allez, bon, voilà. Allez, on passe vite à la suite. Et donc, nous sommes avec deux invités exceptionnels. Comme d'hab. Deux un peu zico, ça on peut le dire, hein, en soi. Et des nouveaux, on peut oui, dire. Oui, pour être fort, on a des nouveaux invités. C'est vrai que d'habitude, on recycle. Ouais, c'est un peu ça, mais on n'est jamais déçu, donc tout va bien. On va commencer un peu pour vous présenter, les gars, parce que les gens ne vous connaissent pas forcément. On est un peu allé traîner sur Facebook. Exact. Et on a un petit peu cherché dans vos mentions j'aime. Tout ce que je mets sur Facebook, c'est faux. On a commencé déjà par Nico. Nico, on a appris que toi tu aimais regarder ce qui se passe quand une fille oublie d'éteindre sa cam sur MSN. Ouais. Alors du coup, je me demandais. Énorme pervers. Qu'est-ce qui s'est passé du coup? Est-ce que t'as une réponse? J'ai eu une expérience. Bon, je... Ah ouais. Ah. Pas obligé d'en parler. Ok, bon, tu veux qu'on passe à autre chose? C'était ma sœur. C'était un hobby, passer un temps. Tu regardais les flics. On s'excuse auprès de cette fille. En tout cas, moi je suis allé voir sur cette page, il n'y avait rien de particulier. Il postait des mèmes. Pas de meuf qui avait oublié d'éteindre sa cam. La page, c'était une couverture. C'était une secte. Parfait. Tu aimes aussi 100 000 fans dans ce groupe et je cours nu sur Bellecour, filmé et publié entre parenthèses, c'est marqué. Ouais. Alors, malheureusement, ce mec a atteint que 15 000 likes. Mais il a. Les pages comme ça, ça donnait rien à l'époque. Il y a bien une ou deux qui doivent marcher quand même. Je fais une tuerie de masse dans mon lycée. Si Waouh. Wow. Et enfin, la dernière, c'est Monsieur et Madame Wobobo ont quatre filles. Comment s'appellent-elles? Alors, c'est vraiment le nom de la page. Et alors, du coup, tu sais c'est quoi ou pas? Non. Moi, je suis allé vérifier. Je me suis renseigné parce que c'était pas marqué sur la page, malheureusement. Je me suis renseigné sur cette blague. 40 barres d'ailleurs. Est-ce que tu veux que je la chante après, du coup, pour... Alors, du coup, non, ça fait Leslie, Irène. Du Fard Alexandrie. Ah, wow, wow, wow. Leslie Rennes du Fard Alexandrie. C'était vraiment la chanson moi, de ça, Claude François. Bah, t'as aimé ça. Au poster, deux secondes. Waouh. C'est pas toi qui as créé la oui, page. Oui, aimé la page. Tu l'as juste liké. Ouais. Je sais pas pourquoi, mais. On fait tous des erreurs dans la vie. On peut laisser un petit blanc peut-être après cette blague. Ouais, ouais. Leslie Rennes. Uber Rajo. Voilà. Bon, alors ensuite, Quentin, alors toi, Quentin, on n'a rien trouvé sur toi, nulle part. Justement. Car je contrôle extrêmement. Oui, c'est qu'il y a des gens qui recherchent, car moi aussi je le fais. Ah. Alors du coup, j'ai cherché ton signe astrologique aztèque, si ça t'intéressait. Ah, ça m'intéresse. Voilà. Et tu es du signe du roseau. Oh, génial. Voilà. Le roseau. C'est le bon roseau. C'est un roseau. Incroyable. T'es aztèque, tu t'attends à un aigle, un truc style. Un peu déçu. N'empêche, c'est style. Alors, ce que je t'explique, le roseau symbolise la gaieté, l'optimisme et les plaisirs de la vie. Aux trois petits points les plus simples. Et n'oubliez d'éteindre sa webcam aussi, je vois. Dégueulasse. C'était Quentin que je regardais. Voilà, donc c'est le ça. Roseau le roseau 3000. Le roseau 3000. Le roseau 3000, si vous pouvez me retrouver. Le roseau 3000. Sur le chat privé. Et du coup, Nico, non, je me suis renseigné aussi sur ton signe aztèque parce que sinon t'allais être jaloux. Je veux bien savoir. Et du coup, tu es du signe de l'eau. Eh ben, c'est simple. Bizarrement, on s'associe bien du coup. Ouais, roseau. Et oui, le roseau et l'eau. Et alors, ce signe exprime la rareté, la fertilité. Je suis fertile. Ouais, et la nécessité. Extrêmement fertile. Et en astrologie aztèque, c'est aussi le symbole de l'inquiétude, de l'angoisse et de l'instabilité. Tu es donc une personne d'une grande sensibilité. Énorme tapette. Non, mais quand on a beaucoup d'enfants, du coup, vu qu'on est fertile, tout le monde. Tu es une terre fertile. Voilà, bah du coup on en apprend un peu plus. On apprend plus avec les signes aztèques qu'avec les pages Facebook. Et vous alors, c'est quoi toi? J'ai pas cherché. Mais je crois qu'on l'avait déjà fait en fait, les signes aztèques. Une fois j'étais le lierre. Je sais plus si c'était aztèque ou autre chose. Mais ils ont des signes stylés, les aztèques ou pas en fait? Pas genre, tant que ça, j'ai envie de dire. C'est les mentions gemmes qu'on s'est pas fait, je crois. Si. Les mentions gemmes, on l'a déjà fait aussi. Putain, non, mais on a tout fait, Jules, ça fait une émission. Ok. Alors, durant cette émission, on va pas oublier de le dire, vous pouvez à tout moment, même dans le chat, participer. pardon, excusez-moi, je rote intérieurement. Ouais, bah t'as raison. En nous proposant des interruptions imitations, Jules, je te laisse expliquer ce que c'est. Bah, les interruptions imitations, si c'est quelqu'un dans le chat ou l'un d'entre nous qui dit par exemple Nicolas imite la porte. Vas-y, vas-y. Pas mal. Pas mal en vrai. Le claquement pas ouf. Voilà. Pas ouf, ouais. Ça peut arriver à n'importe quel moment. N'oubliez pas, parce qu'à chaque fois on le mentionne et on l'oublie pendant l'émission. Donc n'hésitez pas, vous pouvez dire eh, stop, on fait machin. N'importe qui, tu désignes. Tu dis Clément, 5 secondes. Ouais, on va, même nous on va oublier, hein, t'en fais pas. Hein. Mais voilà, 5 secondes de clope électrique. C'est autorisé. C'est un peu le fil rouge de base. Putain, j'ai vu un truc, je sais plus, c'était dans un podcast justement. Bah, c'est dans le truc de Cyprien où il fait. 301 vues. Il fait ce bruit là. À la bouche ? Ouais. Par exemple, je fais ce bruit. Et maintenant, il faut que tu fasses ce bruit. Putain, ça fait de l'ASMR en vrai. Ah, mais oui, elle fait tomber une fourchette. C'est Luciole. Ouais, je m'en rappelle. Waouh. Et je trouvais ça pas mal. Ah, c'est pas mal comme jeu. Ouais. Bah, coucou à Cyprien, puisqu'il nous regarde. Hein. Pardon, Alex, d'avoir roté. Oh, ça va, Alex. Oh, non, les passons, hein. Moi je suis énervé ce soir, je suis bougon. Tout à fait bougon. Tout bougon. Bon, on passe à la première rubrique du Powercast la plus célèbre qui a fait notre renommée. Voilà. Et qu'on a nommé pour celui-là le qu'est-ce que tu répondrais à toi si je te demandais de choisir entre deux propositions. C'était déjà le nom de. Si vous avez d'autres idées, vous avez le droit de nous proposer des noms de titres. Ouais, n'hésitez pas parce que nous on arrive. Qu'on rappelle l'historique, à la base ça s'appelait le Fist and Curus. Bon, on s'est dit c'est pas trop pour les enfants donc ouais. Et plus on faisait de podcasts, moins on assumait. Du coup, voilà. Mais donc c'est d'une base d'un Fast and Curious de Combini. Exact. Et voilà, on va vous poser des questions. Le choix entre deux propositions, c'est comme le titre en fait, vous avez compris. Voilà, donc on va avoir besoin d'une instru de maestro. Voilà. On laisse le DJ de la soirée. DJ Masterflex. Pantin. La transition. Oui, Ok. Putain, j'ai envie de partir en rap là. Ok, Nicolas, on va commencer par toi. Commençons. Mac Miller ou Mac Lesgy? Oh, Mac Miller. Sum 41 ou The Ives? Ah, fuck. Ah, je t'en pose une belle là. C'est comme ça. Actuellement, hein. The Ives et Sum 41, je vais les voir en janvier et ça va être un accomplissement. Donc, À Paname ? Ouais. Mais actuellement, je dirais The Ives. Bravo. J'adore The Ives aussi. Instagram ou Twitter ? J'ai été Instagram, mais aucun des deux actuellement. Ah, ok. Bon, alors le mec. Déconnecté. Déconnecté complètement. Dire Straits ou The Police ? Dire Straits. Parce que nique la police. Ouais, forcément. Bière ou whisky ? Oh, la bonne bière, s'il y a rien de mieux. Qu'est-ce qu'il a à la main ? Eh, hey, y'a que ça de vrai. Si on sert des whisky au podcast, ce serait beau. Mariah Carey ou Beyoncé ? Ah, Beyoncé. Les Queen. Beyoncé ou The Ives ? Non, bon. Très bien. Eh ben, c'est fini pour toi, on va passer à toi, Quentin. Ça va, c'était pas trop dur. Ça va. Est-ce que tu es prêt ? Oui. Hearthstone ou la bataille corse ? Banque. Putain. Waouh. Bien compris le principe. Vas-y, redis, pardon. Hearthstone ou la bataille corse ? Banque. Hearthstone, bataille corse, je sais pas jouer. Bah. Okay. EDM ou House ? Les deux. Ah, alors le mec, ok. Console ou PC ? Bah console, j'ai jamais joué sur PC non plus. Bah tu te fous de ma gueule ? Ouais. Okay. Ouais, complètement. Oui. C'est pas qualitatif, c'est juste que j'ai jamais essayé. Bière ou eau ? L'eau. C'est que genre villes, oh. Le cinéastèque de... Vous auriez répondu quoi? Bah toi t'as déjà répondu bien. Entre quoi? Entre bière et l'eau? Moi la bière c'est mieux que l'eau, mieux que tout. Toi t'aurais dit quoi toi? Moi j'aurais dit l'eau. Pour la santé quand même mieux l'eau. Je peux pas me nourrir que de bière. Bah oui. Et enfin, le sucre ou le petit salon on a... Ah non, il en manquait un aussi. Est-ce que tu aimes les boîtes de nuit? Est-ce que t'es jeune? Je suis allé une fois dans une boîte de nuit un jour, il y avait une fontaine dedans. En fait, tu connais ni. Enfin, t'es jamais allé ni. Ça, c'était la place des Jacobins, pas ça. Énormément. Ah merde, je fais pas mal. C'est moi qui ai écrit ces questions, je croyais que c'était des années, au moins un des deux. Mais je suis allé dans une boîte de nuit à Lyon, il y avait une fontaine dedans et j'ai bien aimé. C'est quoi le nom du salon? Je crois que c'est le petit salon. Ah, voilà. Pas mal. Donc, le petit salon. Et son ou image? Ah, le son, apparemment. Franchement, les deux. Ok. Très bien, et bah c'est la fin. Moi je dis on devra installer, tu peux couper le beat, ouais. DJ, DJ coupe Battle Max. On devra, la prochaine fois pour les prochains Fast and Curious, on devra imposer qu'il y ait droit de choisir, de dire les deux une seule fois. Okay. Le Joker. Okay. Ouais, un Joker. Pour la prochaine fois. T'es passé à la trappe, c'est bon. Je dirais, la chance, je préfère ne pas prendre EDM ou trappe. On va passer à la partie recommandation des chaînes YouTube, je ne m'abuse. Ouais, tout à fait. Hop, alors, hop, est-ce que vous avez des petits trucs à nous recommander? Alors moi je regarde pas tant que ça YouTube maintenant, mais de temps en temps ça m'arrive. Il y en a une que je trouve assez rigolote et moralisatrice dans le bon sens du terme. C'est Et tout le monde s'en fout. C'est un gars, c'est un peu connu. Il est je sais pas dans les 500 000 abonnés je dirais à peu près. Uh-huh. Et c'est des petits formats de 4-5 minutes où il y a un sujet, ça peut être des émotions, ça peut être une situation, ça peut être plein de choses, et il parle un peu de ça, et je trouve ça assez cool comment il développe le truc et comment il en parle. Du coup, voilà, si vous avez l'occasion de voir un ou deux épisodes. Est-ce que t'as pas un exemple? Parce que tu dis, tu parles de situation, il n'y a pas genre quand tu marches sur un Lego. Bah, il parle, je sais pas, le dernier que j'ai vu, que j'ai en tête, c'est il parle notamment du couple. Ouais. Et les femmes. Hein. Et et il fait un peu, il déstructure un peu l'idée de que tout le monde a du couple. Pour montrer ce qu'au final ça, il doit en ressortir finalement. C'est super abstrait ce que je suis en train de dire, mais... non, c'est ce que je voulais mais il démystifie un peu des trucs qui paraissent assez acquis pour tout le monde, et ça fait pas du mal de l'entendre des fois sur pas mal de sujets. Okay. Du coup, je trouve ça cool. Après, comme tout, il y a des trucs à prendre, des trucs à laisser, des trucs qui parlent plus à d'autres gens que d'autres. Et ben on ira voir ça. Et tout le monde s'en fout, ça s'appelle, c'est ça? Et tout le monde s'en fout, très bien. Jeter un œil, mon petit Quentin. Moi je recommande une série animée qui s'appelle Monsieur Flap. Ah, bah, qui est sur Studio 4. C'est France TV slash maintenant, français Flash. Ouais. Et après ils ont plein de catégories, et c'est super bien. OK. Je connais aussi. Et c'est diffusé sur YouTube ? Ouais, oui, c'est on a un partenariat. Il y a deux saisons et en fait, c'est bon, je pense soit t'accroches, soit t'accroches pas tout de suite, parce que en gros, c'est un gars qui a un œil à la place du trou du cul, quoi. Ouais. Wow. Oui, c'est en gros tout le monde voit ton cul. J'ai vu, Monsieur Flap a une tête de cul. C'est pas facile quand tout le monde voit ton anus. Et en fait, tu suis les péripéties de ce mec-là. Ouais. Il lui arrive des trucs, c'est délirant et c'est mignon et il est super attachant et c'est trop bien fait. Mais d'ailleurs, vous pouvez aller voir. C'est doublé et fait par les mêmes qui ont fait les Cassos. Oui. C'est un peu dans le même délire, mais en plus mignon. Voilà. Ouais, un peu plus accessible, quoique. Et du coup, on peut recommander un peu la chaîne de France TV Slash, du coup, qui s'appelait Studio 4 avant et qui produit, du coup, plein de séries comme ça, en fait. Il y a Dark Stories. En ce moment, il y a Dark Stories qui est très très bien aussi, qui a du budget de ouf. Les Engagés, il y a eu Les Engagés. Et bien d'autres. Et je vous conseille d'aller voir cette chaîne parce qu'il y a du contenu de qualité produit par France 4 et c'est vachement bien. Ils font venir des talents aussi, des humoristes, des comédiens, n'importe qui, un peu dans l'air du temps, assez actuel. Mais je crois qu'en fait, ils font des appels à projets, je crois, et chaque année, en fait, pour produire. Donc même nous, tu vois, si on a un projet, on peut tout. Enfin, proposer notre projet, ils peuvent le produire et c'est super. Cool, bah, du coup, on en profite si vous aimez l'horreur aussi, Dark Stories. Du coup, il y a tout à regarder, c'est très très bien. Ouais. Jules, je t'en prie, vas-y. Bah écoute, moi j'avais un petit gars que j'avais complètement oublié parce qu'il ne fait plus rien. C'est un petit mec tout penaud. Il est chez lui, il est tranquille, il fait ses vidéos en chaussons. Ouais, je suis allé voir, j'ai vérifié. Il fait ses vidéos en pantoufles. Il s'appelle LGX Abandonware et il parle de jeux qui sont Abandonware. Donc c'est des jeux tellement vieux qu'ils sont devenus gratuits. Ouais. Et il te les fait découvrir et il te raconte un peu à la manière des autres testeurs de jeux vidéo que j'ai déjà recommandé. Il te raconte un peu son expérience, il te raconte pourquoi c'était bien aussi à l'époque. Et puis il a une façon de faire ses vidéos très... à l'ancienne et en fait moi comme à chaque reco que j'ai fait quasiment c'est juste que c'est super authentique et que ça se voit pas la face. T'aimes bien les gens qui se prennent pas la tête qui mettent pas de masque et non c'est super authentique et du coup voilà je le recommande grandement. Je suis allé voir, c'est marrant, c'est vraiment le mec, il se prend pas la tête. Il genre, met pas un énorme budget dedans, mais il fait son truc. Excellent, on est chez lui. Non, mais tu sais, il est juste devant son PC, il te présente les jeux qu'il aime bien, qui sont de sa génération et machin. Et pourquoi lui ça l'a fait kiffer, et voilà, je le recommande grandement parce qu'il est vraiment pas connu et voilà. Ok, cool. Alors moi. J'avais une chaîne qui s'appelle. Alors, en fait, qui est plus. À la base, qui est plus un compte Instagram, mais du coup, il a sa chaîne YouTube et c'est à peu près le même contenu. Qui s'appelle Unnecessary Inventions. J'ai un bel accent. Qui est un truc. Pas mal. C'est Soline, la modératrice, ma copine, qui m'en a parlé, en fait. Donc, c'est pour ça que je devais la citer parce qu'elle me dit c'est ma recommandation. Vous tenez la main des fois ? Ça arrive dans l'arc. Bon. Oh. Aïe. Bon. Oh, oh, oh. Ouais, bref, crois, alors, bon, c'est ta meuf, alors. Cette chaîne, donc, c'est un gars tout seul qui, en fait, fabrique des inventions pas nécessaires, en fait, comme le titre. Par exemple, je vous ai noté des exemples. Il a fabriqué des gants en crocs. Voilà, peu utile. Il a fabriqué un géant AirPods aussi récemment qui fonctionne. Donc vraiment un putain d'AirPods quoi. C'est marrant, ça fait penser, il y a des artistes contemporains qui essayent de faire des objets inutiles par exemple, ouais. Qui font une fourchette où le manche c'est une corde. Ouais. Pas l'utiliser, tu vois. Mais là c'est pas un truc que tu peux pas utiliser justement là, okay. C'est un truc que tu peux utiliser mais qui mais vraiment qui ouais, okay, c'est genre un géant AirPods, un géant AirPods qui fait de la musique mais vraiment voilà, aucune utilité. Okay, pas, c'est une enceinte portable quoi, par exemple il y a aussi des casques de chantier pour doigts de pied pour pas se taper les doigts de pied dans les tables par exemple, ou même une vapoteuse Kazoo. Toi qui vapote, ouais, bah... ça peut t'intéresser. Voilà, comme ça c'est vraiment très chiant pour les autres. Bah ouais, carrément. Et donc il a peu d'abonnés en fait sur YouTube, mais pas mal d'abonnés sur Insta. Donc il a vachement plus d'abonnés sur Insta d'ailleurs. Donc je vous conseille d'aller voir si vous voulez jeter un œil, c'est assez rigolo. Après vous êtes pas obligé de tout regarder, mais moi je voulais dire juste rien que les titres déjà ça fait rire. Et après je vois vers la fin de la vidéo ce qu'il a fait, je fais putain, il a vraiment fait ça quoi. Puis après il fait un tuto de ce qu'il a fait quoi, vraiment il fabrique. Que donc du voilà, bon monde. Unnecessary Inventions. Voilà, on a fait le tour. Vous avez d'autres recos? Non, c'est bon. En ce moment aussi je regarde pas mal plein de choses que font la chaîne télé Click. Ouais. Sur le canal. Ouais, c'est trop bien. Genre pour moi c'est le seul truc qui vaut le coup à la Mouloud Achour. Ouais, c'est Mouloud Achour qui a repris en fait qui a il faisait un truc internet et puis ça a bien marché, donc ils lui ont donné son émission c'est et ça, il mène ça super bien. Genre le Pestacle, j'ai découvert Roman Frécinet, des trucs comme ça, genre c'est du tort de rire. Ouais, il y a plein d'artistes. Il y a Viktorovitch là, le mec qui fait des petits des explications de rhétorique. Ah oui, il est tout le temps trop, sur le plateau, bien, ouais. Putain, avec des lunettes et tout, et le mec c'est t'écoutes ça mais genre tu bois ses paroles, t'apprends, c'est génial. Il éduque les gens à la rhétorique de la politique, et comme ça, t'arrives à décrypter ce que les mecs, quels sont les procédés rhétoriques qu'ils utilisent dans leur discours, et pourquoi ça marche, pourquoi est-ce qu'ils arrivent à t'endormir. Je crois qu'il le fait même pas que avec la politique. Oui, il fait avec peu importe ouais, avec qui. Il l'avait fait, j'ai un souvenir en tête, mais il l'avait fait par exemple avec Barbara Streisand, avec des trucs comme ça. Il décrypte les trucs. Ouais, c'est ça. Ok. Et c'est sur. Pas sur YouTube du coup. Si. C'est aussi sur YouTube. Tous ces trucs, ils sont découpés, ils sont mis sur YouTube. Ah, trop bien, je savais même pas que c'était sur YouTube. Je croyais que c'était que sur Canal, comme ils ont l'habitude. Et tant qu'on y a à recommander des trucs, il y a Genre Humaine, saison 2 de Eleanor Coste, qui a été recommandé 1000 fois partout, mais c'est vrai que c'est vraiment bien en fait. J'ai commencé par la saison 2 sans regarder la saison 1. Sur la chaîne d'Eleanor Coste. Sur la chaîne d'Eleanor Coste, et rien que le premier épisode, c'est une leçon d'actorat. Du plan séquence. C'est un plan. En tout cas, c'est du plan séquence. Je crois que c'est tout un plan séquence. Et c'est hyper bien joué en fait. Rien que pour ça, c'est fou. Et... Ok, dernier truc que moi je vais recommander aussi. Vas-y, ça lance vas-y. Des trucs. En parlant de plan séquence, il y a Les Parasites, je sais pas si vous connaissez, qui sont quand même super connus. Qui ont une série qui est produite par Canal et qui est diffusée sur Canal. L'autre, MyCanal ouais, que sur MyCanal, donc la version internet de Canal, et qui s'appelle L'Effondrement, et qui en fait chaque épisode est filmé en plan séquence de 20-25 minutes, ce qui est immense. Et en fait, ça parle de l'effondrement de la société en fait, mais c'est super réaliste, comme ça pourrait arriver genre vraiment demain quoi. Et Black déjà, Friday, ce que Les Parasites faisaient déjà à l'époque, c'était assez incroyable quand ils avaient peu de budget, et là ils ont le budget de Canal, et tu fais ok, c'est bon les gars, allez-y. Et donc ils mettent sur leur chaîne YouTube un épisode par mois, donc il y a le premier épisode qui est sorti il y a 2 semaines, donc le prochain dans 2 semaines. Donc je vous conseille d'avoir au moins le premier épisode, parce que c'est encore une autre leçon de Cinoche, on peut dire. Bah ça et Genre Humaine, c'est deux trucs dont j'entends parler tout le temps en fait, et partout, c'est incroyable. Donc, voir ça sur YouTube, c'est trop bien en fait. D'accord. Vraiment. Ah bah on nous dit le réalisateur des Parasites a dormi chez moi il y a 5 jours, true story. C'est Ilidos qui dit ça. Bah Ilidos, qui c'est Ilidos? Et bah tu seras invité pour la prochaine émission. Gaspard, félicitations. Incroyable. Bah génial, ouais, on va t'inviter Gaspard à la prochaine. Je voulais qu'il te dise juste ça et tu t'en veux. Super anecdote. Il vient de Mirecourt. Très bien. Très bien. On a l'information de Mirecourt. On enchaîne. On embrasse les gens de Mirecourt. On embrasse Mirecourt. On enchaîne on avec... enchaîne avec moi qui me mouche. Oui, avec Jules qui se mouche, écoutez bien. Voilà. Oh, on dirait un peu la mer un peu. Ouais, une vague. Ok, top, imitation. D'une vague. T'as l'exemple, tu te mouches. Ah, je dois me moucher en faisant la vague. Ouais. Tu veux mon mouchoir sale? Ah ouais. Tu te mouches avec la bouche. Tu vas faire le nid. Ah non, tu dois faire le bruit, tu dois faire le bruit toi-même. Ouais, c'était plus ça. C'est ça, hein. Sur le bruit de Jules, on est bon. Ouais. On est bon, c'est cohérent. Après, c'est dur d'imiter un bruit de mouchoir. Donc, on va enchaîner avec... Ah bah avec le sujet jeu, peut-être. Le jeu de Quentin. Oh là là. Ah déjà. Quentin, alors attendez, parce que Quentin on l'invite, il vient pas les mains vides, il vient avec un jeu carrément. Ouais, tout à fait. Et sa bonne humeur. Bah et Nico aussi il est venu avec sa bonne humeur. Mais que la bonne humeur, moi j'ai pas. Bah ouais, t'es venu avec. C'est Quentin et Nico dans tes oreilles. Il est 6h. Il est 6h, bonjour. Et donc il nous a même pas expliqué ce que c'était son jeu, donc. Non, j'ai rien dit. Bah ouais. Vas-y, est-ce que tu peux le présenter, vas-y. Alors donc le jeu. Ouais. C'est un jeu sonore. Ça tombe bien, on est à la radio. Ouais. C'est un jeu qui s'appelle Sample comme bonjour. Oh, merci. Je vous avoue que j'ai beaucoup réfléchi. Est-ce que c'est d'abord le nom que t'as trouvé? Non, c'est pas du tout. D'abord le jeu et après t'as trouvé. Il y avait des trucs, je me souviens même plus, mais c'était vraiment nul. Et en fait, du coup, ce jeu, c'est que je vous passe des extraits de sources diverses et il faut deviner d'où provient cet extrait. Oh. Et en fait, c'est pas un blind test dans le sens où c'est pas je vais pas vous passer une début de musique ou un truc comme ça. Il y aura de la musique. En fait, c'est sur plusieurs thèmes. Donc, je vais vous parler un petit peu et je vais vous emmener sur chaque thème de façon relativement logique. C'est un véritable voyage. On sera plus dans jusqu'à le garage. Jusqu'à un petit twist à la fin, vous allez voir. De toute façon, j'ai le mal de mer. Alors, est-ce que les gens dans le chat peuvent jouer ou est-ce que c'est s'ils veulent, oui. Mais après, c'est juste que ça ne prenne pas trop de temps sur chaque extrait. Oui, non, mais après, bien sûr. Voilà. Non, mais on prend le temps qu'ils veulent. S'ils veulent. On va pas trop regarder le chat et si on ne trouve pas, voilà, on va mettre. Donc, en gros, sample comme bonjour, puisque je vais vous passer des samples. Et quand on parle de sample, forcément, on parle de musique. Mais d'abord, générique. Et bienvenue à tous sur le jeu délirant. Délirant. Le jeu simple, le jeu où on sample. Simple comme bonjour. Simple comme bonjour. Waouh. Incroyable, bravo. Il y a un meilleur jingle que d'autres émissions. Dans la qualité, chaque émission, tu vas venir, en fait. Tu sais, il sera DJ, il sera relevé là-bas. C'est ça. Après, c'est bien parce que le principe est là et après, on a juste à retrouver des morceaux et alimenter le truc, donc je vous le vends. Tu le gardes et tu viendras à chaque 5 balles. Je te le prends 5 balles. Donc je vous fais des exemples, par exemple, j'essaie de vous faire découvrir une musique avec cet extrait. Alors, les points d'abord. Ouais, ouf, putain. Donc en fait, si vous voulez, je vous passe l'extrait une première fois, comment moi je l'ai découpé. Donc des fois, je l'ai découpé comme un gros bâtard. Et si vous arrivez à trouver. D'où provient le son ? Je cherche une information précise. C'est-à-dire que je veux le nom du film, le nom du personnage. Si vous trouvez d'emblée directement, il y a des samples, franchement, je vais vous dire, vous gagnez 5 points directs. Okay. Wow. Mais sinon, si vous trouvez, je vous le fais réécouter, soit plus long, soit je vous redonne un indice, un truc comme ça, et vous gagnez un point à chaque fois pour bonne réponse. Et les mauvaises réponses n'enlèvent pas de points. Voilà. Même vous allez comprendre. Même le système de points est plus élaboré que nous. C'est... En gros, on va faire un test. Là, j'essaie de vous faire découvrir quand une musique avec cet extrait. C'est Hatsune Miku ? Non. Moi, j'ai le nom Loi Tuma, mais en fait, c'est un truc. J'ai pas le nom. J'avais une fiche et j'ai plus la fiche. Donc, c'est un mauvais exemple, mais sinon, on va prendre celui-ci par exemple. Très bien, vas-y. Duh. C'est Billie Eilish, Bad Guy. Exactement. Voilà. Putain, quoi ? Okay. Pour moi, c'était une russe donc qui faisait ça. Donc ça, c'est un point, et je dirais, je spécifierais, tu vois, celui d'avance, le titre, il n'est pas connu, donc si tu le trouves, tu as 5 points, tu vois. Ok, voilà, ça marche. Mais je spécifierais. Donc, en gros, on est parti pour la musique, puisque c'est là où le sample est le plus utilisé, évidemment. Simple comme bonjour. Simple comme bonjour. Excellent. Hop. Donc je vous fais écouter le sample comme ça. Moi je suis épaté. Et vous allez donc là on est sur l'univers de la musique. Ouais. Puisque après je vous expliquerai si vous voulez un bon sample peut faire une musique et les gens qui produisent de la musique sur ordinateur les samples c'est un petit peu des signatures qui permettent de découvrir l'univers sonore de la personne, c'est un peu un truc qui te renvoie comme une petite carte au trésor que tu dois suivre et à la fin tu découvres la vidéo d'origine et il y a tout un tas de trucs comme ça, des fois c'est assez secret, on sait pas d'où est-ce qu'ils l'ont trouvé et c'est un truc qui est assez fascinant à essayer de trouver, donc je vous fais écouter. C'est même un exposé en fait sur les samples. Voilà, attendez, je vais baisser un petit peu. Ouais. Elle est très très énervée cette dame. On peut commencer à essayer de deviner, moi là je vois pas du tout. Non, ouais, c'est vrai, j'ai pas du tout. Get off the steps! If you don't shut up, I'm calling the police now! Qu'est-ce qui se passe? Call 911 now! Ah, Skrillex. Bien joué, Skrillex. Call 911 now! Eh ouais! 9-1-1 now. Le titre, c'est quoi? Equinox. First of the Year. Je sais pas qui tient le compte, moi je pourrais pas. Alors attends. La modératrice. Je peux noter. Ah, tu peux noter? Bon. J'ai une fiche. Solide, t'inquiète en fait. Un point. Voilà. Un bon point, point. Un bon point. On a, t'avais déjà trouvé un truc avant toi, non? Non, mais c'était l'exemple, moi. Ah, ça va. Trop facile. Ça va. Donc là, on va partir sur le deuxième, Quentin, exemple. Toi, tu joues pas, du coup. Non, moi, je joue pas. Je un peu tes extraits. Je déteste la musique. Celui-ci, je cherche pas. Si vous avez le nom de la musique d'origine, vous gagnez un point bonus, mais on va essayer de trouver surtout sur quoi ça a été utilisé pour faire une nouvelle musique. Okay. Taxi. Okay. Cypress Hill, It From The Bang. Putain, il est rapide. Oh là là là. Et la, et la musique d'origine, alors, ça fait un point. Alors, attends, là, t'as déjà un point. Attends. Jules a un point, déjà. Et il faut trouver le film. Non, pas le film, je sais qu'il s'est utilisé. Son of a Preacher Man. Ouais. De Nina Simone. Non, c'est pas. C'est Janet quelque chose, mais Janis Joplin. C'est ça, ouais, tu l'as bon. Donc vas-y, un point pour toi aussi. Celine dans le chat l'avait. Janet Skyl dans ma famille d'abord. Bien joué. Cypress Hill, le pire concert de ma vie. Ça, c'est la version Cypress Hill. Ça, c'est la version utilisée. Ah oui, d'accord. C'est trop trop bien ton jeu, j'adore. Cool. Ouais. Je suis très très nul, mais j'adore. Super. Alors là, là c'est un peu dur. Un gars, une fille. Ah, attends, moi, je, attends. Oui, est-ce que ça serait pas Fatboy Slim? Non. Le Jao. Ouais, okay. Non. Okay. Mais t'as le sample bon. T'as repéré c'était quoi qui était utilisé. Ouais. Donc ça a bien joué. Mais c'est pas. Non. Toutou, toutou. Je te l'isole. Ouais. Ah putain. Ah oui, là, j'ai c'est Prodigy. Oui. Oui putain, ah, putain oui, voilà, j'ai confondu. Et bah, c'est quoi le titre? Putain. Right non. It's my pet shop. Je sais pas comment. Ouais, j'ai pas j'ai pas du tout le Smack my bitch up. C'est ça. Ah oui, putain. Allez un point chacun. Oh. Non, bah moi j'ai rien. Dans le film Charlie's Angel, les gens se déchaînent. Cameron Diaz, Lou Barrymore et Lucy Liu. Alors là, dans celui-ci, il y a un jeu dans le jeu. C'est-à-dire que je vous fais écouter le sample. Et là, si vous arrivez à trouver la chose qui a produit ce son, vous gagnez 5 points. Mais d'abord, on va essayer de trouver c'est quoi la musique, dans quoi c'est utilisé. Okay, mais si vous trouvez qu'est-ce qui a fait ce son-là, c'est 5 points. Je suis hyper chaud. Un automaton. Non. Un photomaton. Un kazoo. Un kazoo, ouais. Non. Un ballon de baudruche. Non. Une abeille. En fait, on est parti dire. Ah oui, pardon. Oui, les 5 points. Pardon. Attends, tu peux remettre l'extrait, s'il te plaît. C'est un paix, c'est un paix. Une cornemuse. Non. Une moto. Non. Un mec qui se mouille. Oui, il y a un petit sursaut. Un chat malade à la fin, tu sais. Un chat, ouais, on nous dit. Non, c'est pas ça. Putain. Une moi, pour vous dire, au début, je pensais que c'était un jouet qui fait poète-poète, tu vois. Et que tu fais. Ouais. Respirer, une boîte à meux. Super... Non, c'est pas ça non plus. Bon, je vous passe. Vous essayez de trouver déjà. Ouais, voilà, on trouve le sample. Après... Mais alors, dans quelle musique ça peut être C'est une musique. Ouais. Le sample complet. Parce que, le sample complet, il est même plus long que ça. Il est utilisé. Le sample en entier, il dure peut-être 25 secondes, tu vois. Ah ouais, mais la mélodie, entre guillemets, qu'on entend, ça représente rien. Non, il est utilisé tel quel, il rajoute un peu des sons et après à la fin il se modifie et ça envoie sur le drop. C'est un sample extrêmement connu justement de la composition musique parce que pendant hyper longtemps personne ne savait comment est-ce qu'il avait fait ce putain de son. La composition de musique en général, pas juste musique électronique. Musique électronique. Ah, d'accord. Mais c'est de la musique. Oui, mais pas dans la globalité. Ouais. En fait, il a révélé, le gars qui a fait ça, il a révélé dans une interview quel était le bruit. Et, son anus. Non, c'est pas ça. Je suis déçu. Non, mais c'est et vraiment genre même bah tiens on a entendu Skrillex et il y avait Skrillex qui faisait écouter cette musique à un gars qui s'appelle Deadmau5 et ils savaient pas, les deux ne savaient pas que ça a été fait. Ok, voilà. Donc, alors bah on passe le encore une fois là je suis si vous donnez votre langue au chat après je veux bien que tu le repasses une dernière fois. Ouais. Donc c'est pas un ballon de baudruche, t'as dit. Non. C'est pas un mélodica. Non. Cassé. Est-ce que ça provient d'un être vivant? Non. Ah. C'est un objet. Ok. C'est un outil, même, je peux vous dire. C'est un gros. Une scie sauteuse. Non. Une disqueuse. Non. Une ponceuse. Une perceuse. Eh bien, oui. Ah, c'est vrai, une perceuse. Allez, c'est une perceuse. Mais attends, mais comment les outils, on l'a trouvé. En fait, c'est une perceuse électrique où tu tiens mousse. Le bout qui est censé tourner. Tu ouais. le bloques et en fait quand t'appuies sur le et tu perds tes doigts sur la gâchette ça lance le moteur mais vu qu'il est contraint ah il est bloqué ça fait ce, ça fait ah ce mais oui oui oui et en fait si plus t'appuies ça fait justement ces espèces de waouh et le mec en fait il a pris une perceuse il l'a bloqué il a fait et c'était ouais. un mystère pendant des années ouais. ça donne ça dans la musique. Vas-y, dans un peu, ouais. Vraiment énervé. D'accord, je connais pas du tout. Alors après par contre je sais pas qui fait cette chanson. Alors cette musique c'est Diplodocus, d'accord. le titre, de Noisia, mais c'est le remix de Kill the Noise. Voilà. Compliqué. En gros si tu mets Diplodocus, normalement tu l'as. Ok. Okay. Bon, voilà. J'ai 5 points du coup, a priori. Ouais. Mais c'était vraiment un coup de chance. Hein. Les gens vont croire que c'est le bruit d'un diplodocus après. Ils vont être très, très désemparés. Donc, le sample, c'est une espèce d'identité sonore. Et en fait, un peu comme, si tu veux, dans le cinéma, on utilise aussi le son pas mal pour, on va dire, caractériser un personnage ou caractériser un lieu ou ce que tu veux, un objet. Comme un leitmotiv. Et du coup, il y a des sons au cinéma qui sont très connus aussi. Des sons du quotidien qui sont rentrés dans la culture populaire, qui sont de simples sons. Ouais. Et juste des petits extraits comme ça, et bah ça cette identité, c'est en fait c'est un bon sample, c'est que ça exprime aussi quelque chose, ça ouvre un imaginaire, tu vois, c'est une espèce de petite image, un truc comme ça. Donc là, on va passer sur le cinéma. Simple comme bonjour. Ah, simple comme bonjour. Mieux organisé que nous. Ouais, tellement. Donc là, c'est facile, le premier il est facile. Dark Vador. Voilà, bien joué, Dark Vador. Si rapide. Parce que j'ai de la ventoline moi aussi. Je connais. D'ailleurs, Nico, 5 secondes de sabre laser. Oh. 5 secondes, c'est un peu long en fait. Ensuite, donc je vous fais pas écouter le celui en entier. Si. Oh, bah, on le connaît. Mais oh, bah, voilà. Tu vois, genre, par exemple, tu vois, si tu dis à quelqu'un Star Wars. Ouais. Il va te dire Chewbacca, il va te faire rrr, comme ça, ouais. il va te faire des laser. Oh. Tu vois, Star Wars, par exemple, c'est un film où c'est rempli de sons ouais. qui sont iconiques, les sons de blaster, les sons de sabre laser, des TIE Fighter. Des trucs comme ça. Et il suffit d'un tout petit élément comme ça et ça t'ouvre le monde entier ouais. de Star Wars à lui tout seul, en fait. Mmh. Et ouais. c'est ça la force, justement, d'un tout petit sample comme ça. Mmh. Une respiration, et ça a permis peut-être à faire connaître une œuvre culturelle gigantesque, peut-être à lui tout seul, tu vois. Ouais. Enfin, pas à lui tout seul, mais ça combiné avec d'autres choses, tu vois. Mmh, bien sûr. Et donc c'est designé au même titre que des costumes, des trucs comme ça, parce que c'est hyper important quoi. Ouais, tout à fait. Iron Man. Putain, t'es trop fort. Bon, oui. Jules, il joue plus là. Loin devant. Pure geek. Pareil, tu vois, genre, il suffit pas grand-chose. Ouais. Fort. Vous avez vu les vidéos du gamin qui rit parce qu'il a perdu sa glace et que ça fait le bruit des trucs d'Iron Man. Et donc, voilà. Donc ça c'est designé par des gens qui font du son, donc c'est vraiment du design au même titre qu'un logo, etc. quoi. C'est clair. Donc je vous fais écouter un autre. Nazgûl. Bien joué. Oh là là, mais... Et par exemple, est-ce que tu sais avec quoi est fait le cri du Nazgûl à la base? Avec une auto-tamponneuse, bien sûr. Je crois que j'avais su, mais je sais plus. C'est fait avec des bruits d'animaux, ouais. c'est fait avec le cri de... Ils ont superposé plusieurs cris. Ouais, c'est ça. Et le cri principal, c'est un élan, en fait, qui est en période de reproduction et qui fait un cri strident, ultra flippant. Ah, Jurassic Park. Donc ça aussi, c'est super intéressant de rechercher ouais. comment les sons sont faits. Par exemple, Jurassic Park, t'as des sons de T-Rex et autres. Ouais. D'où ça sort. C'est du cochon. Et personne ne sait comment sonne un dinosaure, donc il faut le créer de toutes pièces. Ouais. Et les mecs, ils ont enregistré des tortues, des animaux divers et variés pour créer des sons qui n'existent pas. En fait. Instant imitation, Quentin, un élan en rut. Je pensais que t'avais demandé une tortue qui baise là. Hop, alors celui-ci, il est très très dur. Okay. Si vous le trouvez du premier coup, c'est 5 points, mais j'ai peur que je le trouve. Mais de toute façon, il a gagné. C'est bon. General Grievous. Attends, on a pas entendu. Attends. Une partie de ping-pong. Déjà, toutes les informations sont. Un vieux monsieur dans une grotte. Je sais pas. Déjà, qu'est-ce qui peut produire ce son déjà dans... Pour moi, c'est une canne dans un lieu réverbéré, donc c'est Orange Mécanique. Non. Oh, mais t'as beaucoup d'éléments bons, t'as une bonne piste. C'est Tati Daniel. L'exorciste. Non. Ah, vous donnez votre langue au chat ? Ouais. Celui-ci il était dur, je savais qu'il était très bien. C'est un peu tôt, non ? Une canne. Ah, il faut du rythme. Une canne. Mais en gros, c'est un truc en bois, comme une canne, qui est frappé dans un lieu réverbéré qui ressemblerait au-dessous d'un pont, un tunnel, peu importe. Il nous guide vachement quand même. Donc en fait, maintenant il faut essayer de trouver un film où il y a ça par exemple. Un dessous de pont ? Et par exemple, je peux vous donner un autre exemple, c'est que ce truc-là, justement, c'est un parfait exemple de caractérisation de personnage par le son film avant même de voir l'image. Film d'horreur ? Non, pas c'est un truc de ninja un peu ou pas ? Non. Parce que je pensais que c'était avec des katanas en bois ou un truc comme ça. Non, c'est pas ça. C'est pas une arme ? C'est une arme. Enfin, en fait, c'est pas une arme, mais c'est un truc très connu dans les films. Non. Qui est souvent utilisé comme une arme. Par exemple, dans le film, enfin la série avec les zombies là. Il y a un gars qui en a une avec des clous dedans. Une batte. Bah, c'est Orange Mécanique la batte ? Non. c'est Negan. C'est. Qu'est-ce que ça pourrait être ? American History, il n'y a pas des battes ? Batman ? Non. Batdarong. Ouais, avec une batte. Vas-y. Bon, vous donnez votre langue au chat ? Ouais, non, là, j'ai pas. Ouais, désolé. T'entends ça ? C'est pas vite ! C'est le sergent Donny Donovitz. Peut-être que son surnom, ça va plus t'aider à le remettre. On l'appelle l'ours juif. C'est dans Ghostbusters. Voilà. L'ours juif. Oui, la scène où on le voit apparaître et où on l'entend frapper avant. Et justement, il utilise ça psychologiquement pour faire peur au gars. Mais tout fait sens. Merde. On y était pas. J'étais encore dans le fantastique, moi. Ça n'était pas dedans. Là, Tarantino, bien joué. Donc voilà, donc ensuite on a vu aussi qu'il y a ces sons qu'on entend à répétition et que juste des petits trucs comme ça, ça nous ouvre de l'imaginaire, mais ça nous ouvre aussi une espèce de souvenir, des sons souvenirs qui ont une espèce de connotation émotionnelle. Des madeleines de Proust. Des petites madeleines de Proust sonores, c'est très bien que tu dises ça. Puisque maintenant on va aller dans le jeu vidéo. Un bruit de madeleine. On va aller dans le monde du jeu vidéo parce que quel est le meilleur endroit où il y a des sons répétition et qui, par exemple, tu vois la pièce de Mario, c'est ultra connu. Tu l'as là ? Non, je l'ai pas. Ah putain, je croyais que t'allais le mettre. Clément, imitation de la pièce de Mario ? Cling ! Pling ! Pling ! Ouais, y a plus ça. Ça, c'est une pièce de Luigi. Ouais. Ça, ce truc-là, tu vois, dès que tu l'entends, en plus, ce qu'il y a, c'est que tu joues au jeu et puis, par exemple, tu vas avoir un bonus et c'est associé à quelque chose de bien. Donc, ce son est ensuite associé à quelque chose de bien. Ouais. Donc, juste, ça t'éveille. C'est un peu comme avec la cloche qui salive. Tu vois, t'es conditionné par ce truc-là. Donc, on va partir sur les sons de jeux vidéo. Oh là là. Simple comme bonjour. Soyez chaud, parce que moi, je vais être chaud là. Donc on démarre avec le premier. J'adore ce jingle. Ça va aller très vite. Hein. J'adore ce jingle. Minecraft. Oui, et c'est quel son exactement ? C'est quand Steve se blesse, enfin notre personnage se blesse. C'est ça exactement. J'ai jamais joué à Minecraft. Oh, tu le fais bien. Merci. Là par exemple, on parlait de souvenirs. Attention, ça va éveiller des souvenirs. La Play qui démarre. Ouais. C'est ça. Ouais. C'est Sony. Laquelle ? La Play One Non. De... La 2 alors ? Ouais, c'est ça, la 2. C'est la 2, ok. Ouais. C'est exactement la 2. Ah. C'est loin, mais c'est proche. Et d'ailleurs, il y a une anecdote sur ce bruit de PlayStation. Parce que je sais pas si vous avez. Enfin, c'est vous aussi avez une tortue, c'est un une tortue inversée en fait, avec de la réverbe à fond. Et à la fin, c'est un ours juif. Et en fait, si vous voulez, c'est. Enfin, je sais pas si vous vous souvenez, mais la PlayStation 2, c'était assez glauque. Le visuel, c'était assez flippant, assez froid. Et en fait, il faut savoir que toute la campagne de publicité et de design du feeling de la PlayStation 2 a été donnée à David Lynch. Ah, mais non. Donc il a fait des pubs genre complètement craquées où c'est des marionnettes à la David Lynch flippant de sa race pour vendre la PlayStation parce qu'en fait ils essayaient de la vendre à des gens plus âgés, ils essayaient pas de la vendre à des enfants en fait. Waouh, putain. Voilà. Intéressant. Donc c'est très très intéressant. Voilà. Oui, quoi. Ensuite, on va aller aussi du côté des souvenirs. Alors là, celui-ci, je suis sûr que tout le monde a joué à celui-ci. Pinball de Windows. Est-ce que vous avez le nom réel de ce truc-là ? Pinball 3D. Ouais. C'est ça, c'est 3D Pinball Space Cadet, exactement. Ouh. Oh là là ! Putain. Par exemple, celui-ci. Ah, oui. Il y en a pas un deuxième, voilà. Voilà. Ouais. Et ouais. Incroyable. T'as de bons souvenirs. Ah putain, excellent. Et là, celui-ci, il est un peu plus dur parce qu'il faut connaître le jeu. Alors, vous me dites si je vais trop vite. Hein. Moi, ça me va. Non, mais très, très bien. Donc, faut connaître le jeu. Donc, j'en ai trois. Si vous trouvez pas au premier, après, j'en mets un autre. Ok, ça marche, vas-y. Oula. Ouais. Non, ouais. des non. L'eau, des bulle, d'eau. Bulle le jeu. Bulle lente. Attention, deuxième. Oh, putain, putain j'ai joué. Ah, ça nous dit Subnautica. Faut y avoir y joué. Ça nous dit Diablo. Ouais. Diablo ? Ouais, c'est ça. C'est Diablo. Bah alors, Cryptalive va trouver Diablo 2. Et bah, bien joué. Diablo 2, c'est exactement ce que j'allais dire. Bah, un jeu d'enfant, Cryptalive, mais bravo, bravo Cryptalive. Si t'as joué au jeu, ces sons-là, ils sont dans ton cœur, gravés à tout jamais, tu vois. Et bah, bravo Cryptalive. Par exemple, il y a le truc du stuff là. Ça, c'est quand tu mets un truc dans ton cœur. Mais pourquoi je connais tous ces. Enfin, j'ai joué à Diablo 3. Et en fait, pareil, Diablo, c'est une licence qui a des sons qui remettent. À chaque fois qu'ils sortent un nouveau Diablo, ils remettent les mêmes sons parce que c'est leur identité. Il y a des gens qui sont ultra attachés à ces sons-là. Si tu les changes, c'est plus Diablo. Donc, le nouveau Diablo, ils vont mettre ça aussi ? Il y a des grandes chances, ouais. Déjà, dans le 3, c'est les mêmes sons et tout. C'est l'identité du jeu, c'est l'identité sonore du jeu. Donc, du coup, si tu le mets pas, bah, c'est pas le vrai, quoi. Surtout que les fans de Blizzard sont ravis. Non, je sais pas, non, ils sont très attachés. Ils ont des petites traditions. Ouais, voilà, c'est un peu ça. Ils ont grandi avec les jeux. Ils doivent être très contents de l'annonce de Diablo 4 avec sa bande-annonce de 12 minutes. Ouais, incroyable. Extrêmement longue. Et donc, du coup, ouais, d'ailleurs, la nouvelle bande-annonce là, du nouveau Diablo, elle claque. Ouais, ouais. Mais le jeu, bon, voilà. C'est pas trop. Oh, c'est pas pour l'instant. Il te reste beaucoup encore ? Ouais, il me reste encore quelques-uns. Vas-y, vas-y. Après, il reste 2-3 trucs et un truc que je peux sauter au pire, donc voilà. Ouais, je veux dire que Là, si tu veux, t'as, donc j'ai dit que t'avais ces sons qui étaient une identité sonore super importante. Donc ça, dans la publicité aussi, ils l'ont compris. Tout à fait. Donc on va passer sur les jingles. Simple comme bonjour. Oh. Voilà. T'as dit on va passer sur les jingles. Sur les pubs, tu viens. Et je mets un jingle. Donc du coup, ça va aller très vite. 20th Century Fox. Exactement. Blablabla. Celui-ci aussi, par exemple, je pense que vous l'avez. Netflix. Bien joué. Ça va beaucoup trop vite dans ta tête. Il compte même les points. Arrête, ça ne compte plus les points là. Est-ce que j'ai conçu le jeu uniquement pour Jules ? Peut-être. Ensuite, vous avez celui-là. La SNCF. Bien joué. Allez, un point à tout le monde. Il y a 4 lettres en même temps. Et là, par exemple, le jingle de la SNCF, il faut savoir qu'il a été samplé dans une musique. David Gilmour. De David Gilmour, exactement. Ah oui. Qui s'appelle ? Un point. Non, mais bien joué. Tu peux même te prendre 5 points. Si, je sais plus que. Franchement, la SNCF, ils sont en retard, non ? Dans la vie. Comment il s'appelle ? Je sais. Je n'avais jamais entendu l'original. C'est pas grave, mais t'as pas en fait, celle-là, c'est pas l'original, on est d'accord. C'est David Gilmour qui l'a reprise, non ? Non, en fait, ah, David Gilmour, il a pris le jingle de la SNCF. C'est David Gilmour qui a repris le jingle, ouais, c'est ça. C'est pas l'original. Ah ! Il l'a kiffé, il a kiffé le sample et il l'a mis dans une musique. Le mec de Pink Floyd a samplé le jingle de la SNCF. On l'apprend tous les jours. Et celui-ci ? Oula, plus compliqué. Attends, refais. Je sais pas. Ah, c'est moi quand j'ai une panne d'érection. Ah, érection. On est dans le thème. Ouais. Ah, bon. Durex. Non. Manix. Non. Bandix. Bornhomme. Oui. Oui. J'ai vraiment pas parce qu'on parlait de ça. Non, non, mais c'est vraiment. C'est j'ai toujours pas le premier site de cul. C'est toujours le premier site de YouPorn aussi. Ouais, là c'est ça. Attends, ça c'est quoi ? Bah ça c'est le truc complet. Ça c'est Pornhub. Ouais, Pornhub complet. Du coup avec l'érection t'étais vraiment pas si loin. Ouais. Ouais, direct. Non. Donc après pareil, quand on parle d'identité, il y a l'identité de chaque personne, c'est la voix. Donc on passe aux voix. Je vous épargne le jingle. On va aller directement. On enchaîne. Donc ça va les visites aussi. Ah. Bah, Chine Brognard. Ouais. Ah bah attends, je vais sur mon téléphone aussi. Celui-ci. Ah c'est Macron projet. Bien joué. Oh, bon allez on compte. Hein, c'est bon. Waouh. Celui-ci. Waouh. Waouh. C'est wow. Pas le vieux. Ah, c'est l'acteur là. Putain, j'ai oublié son nom. Je mets un rire. Ouais, c'est le blond là. Comment il s'appelle Owen Wilson. Non. C'est Alex Lutz. Tu pensais à Alex Lutz ? Non, pas du tout. Mais ah oui, mais il y a Owen Wilson, oui, son waouh qui est connu. Ouais, effectivement. Ah, et c'est, là c'est Matthew McConaughey. Ah non ouais. Non, c'est un français. Ça, c'est un français. Waouh. Ok. Parce qu'il y a Matthew McConaughey aussi qui est un. C'est Antoine Daniel. Ah waouh, c'est vrai que j'aime bien effectivement. Oh c'est vrai que j'avais jamais remarqué que je l'avais trouvé dans le c'est vrai, la saturée Antoine Daniel. Bien joué, bien joué. Parce qu'il a une voix assez reconnaissable. Mais, ah, putain, mais j'étais pas du tout sûr Antoine en fait. Ouais, moi je pensais à quelqu'un à la télé quoi. Ouais, pareil. Ouais, c'est ça. Ça putain. Ça m'a perturbé. Voilà, ça va être la seule privée de joke certainement de la soirée. Qui c'est ça ? Minutieux hein. Théo Surac. Voilà, bien joué. Oh, là, faut connaître la personne, c'est pour ça qu'il est très dur. Dans un sketch de... qui est sur la chaîne Olive Royal. Et j'en ai un, alors là, il y, y a un petit piège. Je vous fais écouter. Bonsoir. Sachez que le grand journal que j'essaie modestement d'animer, c'est Antoine Decaune. En concurrence avec Antoine Decaune. Ouais. Vous avez tous faux. Oh, quoi, c'est un imitateur d'Antoine Decaune. C'est un imitateur d'Antoine Decaune. C'est Superflamme. Non, c'est Marc-Antoine Lebray. Ah, qui avait fait écouter la vraie voix. Très bien. Donc je vous fais écouter l'imitation. Bonsoir. Sachez que le grand journal que j'essaie modestement. Il le fait vraiment bien. Mon garçon, car vous pourriez être mon fils. Ça c'est la vraie voix. Le petit ours. Ah non, il le fait vraiment bien. C'est génial. Petit ours. Donc après, si vous voulez, j'avais un jeu qui était animaux ou pas animaux. Mais c'est très rapide, en gros, faut deviner si c'est un animal ou pas un animal. Et ça va, il y en a 4 et après est-ce qu'on se le garderait pas pour la fin? Si vous voulez. Eh, animal pas animal. Qu'est-ce que t'en dis? Ça tu peut être pas mal. Ça, on voit comment ça, le thème voilà, va. Les gens sont obligés de rester ouais, jusqu'à et ben, la fin. Et en plus, ça me permet de boucler après. Ça finit, c'est le dernier truc. Et ben, alors on nous dit pour les points en tout cas que Jules a plus l'infini. Et nous, on est en compétition avec nous. Clairement, là, on s'est fait laminer. Bah, forcément, j'ai gagné si vous jouez pas. Mais il y en a eu qui ont trouvé dans le chat. Donc ouais, Antoine Daniel a bien joué. Parce que des fois, quand on écoute posé aussi, c'est vrai que ça aide. Ouais, nous, on est dans le truc. Tu cherches un peu partout. Et en tout cas, merci Quentin pour ce jeu. C'était incroyable. Un jeu aussi complet. Ouais, bravo. Bon, on est que 3 à applaudir, ça fait un ouais. Le cœur y est. On va passer au sujet du jour, donc qui est le sujet du travail. Alors c'est vrai que c'est pas un sujet qui est forcément ultra fun quand on le dit comme ça, mais bon, c'est un sujet qu'on peut aborder et qui peut être assez intéressant. On l'a divisé en plusieurs parties. On va commencer avec la vision du travail quand on était enfant. Pour vous orienter, par exemple, bah vous les gars, le boulot que vous vouliez faire quand vous étiez petit, vous aviez quoi en tête? Un peu le boulot de vos rêves. Alors, les petits bonhommes là. Vous vouliez faire quoi? Bah, moi, quand on me posait cette question, justement, pour faire chier, je disais que je voulais faire ethnologue. Ethnologue, voilà. C'est le... parce que c'était un mot les animaux, un c'est, je crois que c'est l'étude. Ou les oiseaux. Je voulais faire éthologue, c'est l'étude comportementaliste des animaux, un truc comme ça. Ah. Juste pour en vrai, c'est stylé. Parce que, en fait, je sais pas, je pense que j'avais compris que ça avait aucun sens cette question, tu vois. Quand tu demandes à quelqu'un de 5 ans, tu veux faire quoi plus tard Bah, cosmonaute, comme les autres. On sera à 5000. Bah, ouais, effectivement, c'est vrai qu'on nous la pose un peu trop tôt, mais même tout au long de notre scolarité. Oui, oui, oui. Bah, moi, je voulais être cuisinier. Ou agent secret, c'était l'un ou l'autre. C'était soit un CAP cuisine, soit l'OSS directement. C'est vrai qu'on en avait parlé déjà dans un podcast le 6, je crois. Ouais, sur les rêves avec Solène et Soline. Tout à fait. Et toi, Nico, ça aurait été quoi? Qu'est-ce que je voulais faire quand j'étais petit? Bonne question. Tu voulais rapper, toi? Bah, j'ai commencé le rap à 3 ans, mais ça n'a pas trop marché. Non, je pense que j'ai jamais eu d'idée précise entre ma naissance finalement et il n'y a pas si longtemps. J'ai toujours été attiré par tout ce qui était musical et qui bougeait. Bah, t'es grand, genre. Et avant ta naissance? Avant ma naissance. Bah, c'est le sosie officiel de quand je faisais du rap aussi avant ma naissance. Déjà dans le ventre, j'étais chaud. Dans la street. Mais non, j'ai toujours été attiré par tout ce qui était un peu musical ou plus globalement artistique. Mais je sais pas, si je devais trouver un truc un peu dans les codes, je dirais vétérinaire parce que les animaux c'est cool quand t'es petit. Après j'ai vu la durée des études et puis j'ai dit bah non en fait je vais pas faire ça. J'ai un pote qui a fait dentiste uniquement parce que c'était les études les plus longues que tu pouvais faire. Genre je te jure, il y avait des trucs d'orientation, il a vu tu sais les t'avais des espèces de diagrammes qui te montraient où ça allait loin, tu faisais un doctorat et tout. Il a vu dentiste, c'était plus long, il a dit moi je vais faire ça parce que c'est plus long et il l'a fait. Il est dentiste. Et les APL et la bourse, le boulot, c'est là. Mais putain. On nous dit Jules 3 secondes de Maïté. Toi qui voulais faire cuisinier. Ah bonjour, aujourd'hui est-ce qu'il y a un peu de tourterelle? Wow. Mais c'est vrai qu'elle gueule comme ça. Le tourterelle, oui. Elle prend les soins, chef, elle faisait ah bonsoir. Et toi Nico, qui est le sosie officiel de Gringe, tu serais imité Gringe ou quoi? Yo. Il est dur à imiter. Orelsan est plus facile. Attends, la voix de Gringe. Ouais, il a une voix. Ah, c'est normal, c'est Orelsan qui a une voix. Ah, je comprends rien. Orelsan de dessin animé. Non, mais c'était un peu piège. Non, c'est vrai que je peux faire un truc, mais ça ne correspondra pas du tout. Tu peux faire un freestyle de rap tout de suite là? Tu peux faire quoi, vas-y? Non, j'avais pas d'idée de quoi faire. Mais... je suis paniqué. Pardon. Non, mais je sais pas. J'ai pas que tu voulais faire Gringe quand t'étais petit? J'ai pas. Un Gringe vétérinaire. Très précis quand même. Un vétérinaire avec un bonnet tout le temps. Tout le temps. Et comment ça a évolué du coup? Parce que je crois qu'on en est là. Ah non, votre premier boulot du coup, qu'est-ce que ça a été? Comme premier boulot. Qu'est-ce que ça a été? À quel âge aussi? Moi, premier boulot, ça a été assez jeune. En fait, ma mère est assistante maternelle. Et du coup, j'ai été avec les gamins pendant toute ma vie. Et t'avais 3 ans, t'étais une taupe. Voilà. C'est vrai. Et du coup, non, le truc qui a été le plus simple quand j'étais jeune et que je pouvais pas bosser pour vraiment faire de l'argent, c'était garder des gamins. Ah ouais. Voilà. Et du coup, j'ai fait beaucoup ça quand j'étais petit. Quand je pouvais garder les gamins, quoi. Oui, parce que si t'es aussi petit que les gamins que tu gardes, c'est juste une autorité avec les voisins. C'est plutôt rare, les garçons qui font justement. C'est vrai, ouais. Ouais, c'est vrai, c'est plutôt rare. Moi, j'en connais très peu, c'est vraiment rare. Après, moi, pour le coup, c'est vrai que je l'ai fait parce que j'avais l'opportunité de le faire, que je pouvais me faire mes petits billets de temps en temps et que c'était facile, quoi. Mais moi, ça a été ça le premier. Et t'as une anecdote avec un enfant, un truc pas sale, ça, mais genre. Une anecdote pas sale, s'il te plaît. Des anecdotes. Est-ce qu'il y en a un qui t'a fait comme ça, il t'a fait les oreilles de lapin, trop hein. trop con le gosse. Là, après des anecdotes, il y a toujours des trucs rigolos, mais c'est des trucs assez communs, tout ce qui concerne le caca et choses comme ça. Ah yes. Ah là là. Ça reste assez sympa. Il a pas touché dans la merde. Non, il y a des moments assez rigolos où t'as des gamins qui pètent des plombs et ça fait toujours rire avec du recul hein, ouais. Quand ils s'enferment dans sa chambre et qui t'as l'impression qu'il va défoncer la porte littéralement. C'est vrai que j'en ai retrouvé un mort une fois. Oh la galère. J'ai pas été payé. Mais chiant. Mais non, après des vraies anecdotes, là j'en ai pas qui me viennent en tête. Il y a des trucs rigolos qui arrivent souvent, mais c'est des trucs que tu reçois avec un peu de. T'as pas eu Chucky quoi, t'as pas eu non. Torrance. Non, j'ai eu des. Non, j'ai pas eu des. Jamais trailer. C'est resté soft. Ok. Moi c'est le métier que j'ai jamais fait, babysitter. Tout le monde a fait. Mais c'est un peu. Je pense que quand. Enfin, moi je sais que j'ai vu que j'avais tout le temps des gamins chez mes parents, il faut être vachement patient de fou. Ouais. Et notamment avec les gamins. Et je sais qu'il y a plein de gens. Enfin. Je m'en serais pas senti capable si j'avais pas eu ça chez moi, chez mes parents. Ouais. Parce que ça te fait chier très rapidement. Tu dirais que tu remercies tes parents pour ce qu'ils t'ont inculqué ? Je remercie mes parents pour m'avoir formé à être patient avec des enfants. Mais, et pas les frapper. Mais ouais, non, c'est. Puis en plus, c'est un âge où t'en as un peu marre vite de tout, quoi. Quand t'as 14, 15 piges. Ah ouais, tu veux un scooter. Tout te fait vite chier. T'es senti. Et surtout maintenant. Boum, que... les filles. Maintenant que tu travailles au ciné, je hais les enfants. Maintenant. Ah, okay. Ouais, d'ailleurs, qu'est-ce que t'en penses de la Reine des Neiges 2 d'ailleurs La Reine des Neiges 2 Voilà, je pouvais la retrouver, elle, pendue dans la chambre, ça, ouais. Très clairement. Non, parce que juste pour juste expliquer vite fait, tu travailles en ce moment. On reviendra peut-être un peu dessus après, mais voilà. Vas-y, la marque. Je dessus, mais je travaille actuellement dans un cinéma à Lyon. Voilà. Quentin, ouais, quel était ton premier boulot? Le premier boulot que j'ai fait, c'était manutentionnaire, préparateur de commandes, conducteur de transpalette à Renault Trucks à Lyon. Un véritable boulot suisse. Hein. Aussi, ouais. Donc j'ai passé mon KSS 3. Ah, ça coûte très très cher, ça, il me semble. Ouais, mais c'était la société qui payait. Ah. Et t'étais payé pendant que tu passais le truc. Putain, c'était vraiment le truc énorme. Il y a une voiture qui arrive, si jamais vous entendez, mais c'est pas grave, on est dans un garage, tout va bien. Si, c'était pendant un mois et c'était la première expérience de travail et ça s'est passé, c'est-à-dire que c'est un métier qui te fait mourir de l'intérieur. Quoi. Ah ouais. Ah, c'est même pas bien d'être pilote de Fenwick. Y a des trucs, c'est marrant, mais tu prends des boîtes, tu soulèves des boîtes, tu poses des boîtes. Ça fait la journée, regarde la palette. Tu bipes. Et à la fin, moi j'avais des étiquettes, ce qu'il y avait des étiquettes qui collaient dessus, il y en avait des blanches, puis je faisais des dessins dessus avec les marqueurs, je les collais partout sur le truc. Et j'avais fait un météore, j'avais appelé mon truc météore et tout. Oh là là. J'étais parti dans un délire super. Comme les mecs de l'armée qui payent leur avion. Je m'emmerdais de ouf. Ouais. Genre, il y avait des moments où je prenais les palettes et puis je pétais des vitres. On comprend pourquoi ça s'est arrêté. T'avais une cadence à tenir à la fin de la journée, t'avais le mec qui venait et disait t'as fait 160 boîtes. Là, il faut en faire plus, ceci, cela. Ouais. Puis après, t'es avec des gens aussi qui font ce métier-là un peu par défaut. Alors du coup, tu te retrouves... Moi, il y en a un qui m'a menacé de m'envoyer son fils, me tabasser. Dans quoi ? D'habitude, tu dis j'envoie mon grand-père. Ouais, son fils, ouais. Il a 6 ans, tu vas voir. Et du coup, franchement, tu croisais des mecs, tu passais avec ton transpalette, tu croisais des mecs, tu croisais leur regard, tu disais, lui, il faut qu'il soit dans une arène. Avec un glaive, avec un mec en face de lui, et que ce soit un putain de gladiateur qui se défonce. Parce qu'il y a des gars, mais genre c'est des brutasses, genre il y en avait un, c'est genre tu sais, presque 2 mètres, le pas de cou, tu vois, genre ultra musclé, et ils arrivent, avec des transpalettes, et puis genre ils foncent avec des trucs, ça pèse 2 tonnes et tout, genre, truc de fou, des hommes virils quoi, tu vois. Ah ouais, pas nous. Donc c'était marrant. Mais t'avais quel âge quand J'avais 17 ans. Ok, ouais. Non, parce que du coup tu peux pas travailler, je vais avoir tout juste 18. Bon, on va dire pour le. À 16 ans, voilà. À partir de 16 ans, tu peux pas travailler. Ouais, mais là, j'étais majeur, comme ça c'était plus facile. Donc... Okay. Je sais que tu peux travailler à partir de 16 ans. Ouais, y a un et truc. En fait, après, il y a une histoire de. Bah, par exemple, tu peux pas être caissier, par exemple, parce que tu peux pas manipuler de l'argent avant 18 ans. Mais normalement, c'est. Mais j'avais demandé, quand j'avais 16 ans, j'allais au Vidéo Futur. Et j'étais meilleur client de mon Vidéo Futur et tout. Ouais, gros souvenir. Genre, je jouais comme un bâtard et tout. Putain, et... c'est fou ça, oh, le Vidéo Futur. Le sample sonore Vidéo Futur. Ça, j'ai pas du tout savoir quand. Et du coup, j'y allais à fond et la meuf était trop sympa. Ouais. C'était un truc familial. Elle se démenait quand tu voulais des trucs, elle te les réservait et tout. Et j'avais demandé ce que moi je kiffais. Et j'avais demandé si je pouvais travailler à 16 ans dans le Vidéo Futur pour parce que moi conseiller les gens genre vous voulez regarder quoi ce soir et tout mais ça vous avez bien ça c'est plus épique, ça c'est plus ceci cela, je kiffe Rambo 4, je regardais tous les films et tout, enfin donc j'étais à fond dessus et ça, j'aurais kiffé, mais elle m'a dit t'es trop jeune, je l'aurais bien fait mais du coup c'est un peu compliqué, alors reviens plus tard, et en fait ils ont fermé. Oui, j'allais te dire ça existe plus ce genre de truc. Je vous coupe deux secondes, qui veut une bière? Moi ça va, merci. Tout moi, est bon. J'en ai une en rab là-bas qui va pas tarder. Parfait. En rehab. Ok, putain. Bah ouais, c'est vrai que ça ferait kiffer. Moi, ouais, c'est vrai que bosser dans un vidéo store, ça doit être super sympa en fait, comme ambiance et tout. Stylé. Toi, mon premier boulot, il était beaucoup plus tard que toi. Enfin, moi, ça était genre à 20 ans. Bah, première année d'école avec vous en fait. Ah oui. L'été, tu vois, de cette année-là. Ouais. Et ce que c'était un truc que je fuyais un peu, je voulais trop pas bosser mais les vacances c'était les vacances, tu vois. La thune je voulais qu'on m'en donne. La thune c'était les vacances aussi. Bah là, je voulais qu'on m'en donne mais pas la gagner, tu vois. Et le premier métier que j'ai fait, j'ai planté la mairie, en principe je devais tu sais rempoter des trucs, faire les jardins de la mairie, etc. T'as planté la mairie, je me disais vraiment elle a poussé j'ai planté le maire. J'ai construit la mairie pendant 2 mois. Et non, je les ai plantés, je les ai laissés en plan parce que j'ai eu une autre opportunité. Mais parce que tu parlais de plantes après. Je devais vraiment faire du jardinage et tout ça. Mais en crevant sous la chaleur. Et en fait, j'ai eu un autre boulot au mieux qu'on m'a filé. J'ai travaillé dans une agence qui filait des appareils respiratoires pour les gens qui venaient d'apnée du sommeil, qui avaient des problèmes respiratoires. C'est extrêmement spécifique. Ouais. c'est un métier de niche. Hein. Et t'avais. Et en fait, je devais toute la journée remplir des. Enfin, gérer des dossiers, enfin, tu sais, tableau Excel, donc la mort. le reste du temps, sinon, fallait que. Soit que je porte des cartons d'un rez-de-chaussée jusqu'à un quatrième étage. Qu'est-ce que vous cherchez? Une bière. Tiens, je l'ai pas bu. Ah! Comme ça, après je suis. Bah attends, fini, ouais. Et je devais aussi en fait enlever les filtres et nettoyer les appareils de gens respiratoires de gens peut-être morts avec une brosse à dents. Voilà. Et c'était la mort. J'ai découvert j'ai découvert l'univers du bureau, donc je m'en suis éloigné tout de suite. Je n'y suis plus jamais retourné. J'ai plus jamais fait un métier de bureau. Enfin voilà, les gens étaient sympas avec moi, mais pas forcément entre eux. Et bon, ça payait très bien, mais ouais, comme job d'été, c'est pas l'expérience. C'est pas ça reste un job d'été. Heureusement, j'étais en coloc avec mon grand frère à ce moment-là, donc c'était très très bien. Il y a des gens qui ont fait la ramasse des fruits, des trucs comme ça. Souvent, c'est un truc. Fait des vendanges. Ouais. J'ai pas fait de vendanges. Moi, j'ai jamais fait non. J'ai fait des inventaires. Il y a 2 ans, 1 an. C'est sympa. L'été dernier. C'est crevant. En fait, t'en prends vraiment plein la gueule physiquement. Je l'ai fait pendant 3 semaines. Ramasse du raisin et en fait, l'ambiance est super cool. C'est vraiment un truc. Ça m'a rappelé un peu les colos quand t'es petit. Je sais pas si vous avez l'occasion d'en faire. Oui. Ça m'a rappelé un peu cette ambiance colo. Puis en plus, je pense que j'ai eu de la chance que je tombais dans un domaine où on était ultra bien. C'est-à-dire qu'on finissait la journée, le soir, on avait une piscine, on buvait des bières à côté de la piscine. Enfin, ce qui doit pas être, ça doit pas être comme ça de partout. Très propre. Mais l'ambiance était vraiment cool, tu rencontres plein de gens, nous il y avait une troupe de cirque qui venait d'Italie, qui parlait même pas français, enfin c'était vraiment génial, on a rencontré vraiment plein de gens. Après ouais, c'est sûr que quand tu rentres des 3 semaines, tu marches pas pendant 2 semaines quoi, ou alors tu marches courbé. Mais t'es accroupi toute la journée du coup? Ouais, c'est même pas accroupi au final, soit tu te baisses comme une merde, ça c'est ce que tu fais au début. Puis après, t'essayes un peu de gérer un peu mieux ton truc. Parce que soit t'es porteur et t'as je sais pas combien de kilos sur le dos toute la journée. Soit tu te baisses et tu coupes. Mais comme c'est des trucs qui sont à mi-hauteur, après ça dépend ce que tu cueilles. Je sais que t'as tout ce qui est abricot et tout, c'est plus en hauteur, donc t'es debout. Le raisin, ça dépend. Ouais. Et là, en l'occurrence, c'était plus à mi-hauteur. Donc tu t'accroupis pas, mais t'es pas debout non plus. Du coup, t'es un peu baisé. Je crois que c'était que les raisins. Moi. Bah, t'as un peu tout. Après, t'as des fruits différents et ça dépend des lieux, je pense. Ça, c'est un. Chez moi, ils faisaient les cerises, les gens. Ouais, ouais, ouais, non, t'as vraiment tout. C'est un métier que, c'est le métier que tout le monde fait en job d'été. Bah, ça et les inventaires aussi en intérim. Ouais, ouais, ils ont un truc comme ça. Ouais. Mais non, franchement, c'est une super expérience. Je pense si les gens ont l'occasion de le faire, je conseille vraiment de le faire parce que c'est des super rencontres, des super moments. Tu apprends un peu à sortir de ta zone de confort aussi parce que tu finis tes journées des fois à quatre pattes et c'est pas grave. Tu t'apprends la vie, gamin. Et c'est cool, c'est vraiment cool, c'est fatigant à souhait, mais ouais. Puis c'est pareil, moi j'avais fait 3 semaines, j'avais une amie qui était avec moi, parce que je l'avais fait avec 2 potes, ce qui est cool aussi. Oui. Et j'avais une amie qui était là, qui l'avait fait que pendant une semaine ou une semaine et demie, tu peux choisir ta durée, entre guillemets. Ok. Et non, c'est vraiment un truc cool. Et ça paye bien ou pas en fait ? Pas mal, non ? Bah, à titre indicatif, moi sur 3 semaines, je m'étais fait à peu près un SMIC net. Oh là là ! À peu près, donc c'est plutôt cool. T'es thune, le mec. Sachant que t'es nourri, t'es logé pendant 3 semaines. Mais t'as perdu l'envie de vivre quand même pour le SMIC. Ça te sert à te payer tes séances d'ostéo sur l'année, quoi. Mais après, je trouve que ça va parce que c'est dur physiquement, mais vu que l'ambiance se passe bien. Ouais, c'est clairement parce l'ambiance. Toi, c'est ce qui m'a fait fuir quasiment tous mes tafs, c'était l'ambiance, quoi. Ouais. Ah, parce que je suis d'accord avec toi aussi. Ah non, clairement, pour le coup, au niveau de l'ambiance, c'est un peu, c'est franchouillard. T'as, ouais, t'as tes cool, chansons toute la journée. Les gens sont motivés, ils vont pour ça aussi. Ouais, la butte à du cul. Tu sais que ça va durer un temps et à la fin, c'est fini. Donc les gens disent pas, oh putain, je vais faire ça pendant combien de temps. Tu sais qu'il faut avoir le sourire parce que tout le monde s'entraide, tout le monde se soutient un peu. Et c'est ça qui est cool, vu que tu rencontres des gens de partout et que tu connais pas, t'as aucun a priori sur personne et tout le monde se pousse un peu vers le haut. Bon, après forcément tu peux avoir des différences, c'est tout le temps, c'est une vie de groupe, quoi, donc c'est forcément story. Ça peut, les anges les anges font le ramasse le raisin. Putain, ce serait une émission exceptionnelle, pas qu'il le fasse. Mais non, franchement c'est cool, j'ai un bon souvenir de ça. Okay. Des vendanges. Ok. Et toi, Clémo, ouais, ton premier métier ? Un truc un peu classique, j'avais fait mise en rayon à Intermarché. Donc c'est tôt le matin, ça ? Ouais, c'est genre 4-5 heures, je me levais, je crois, à peu près. Ah, parfait, flinguer l'été. Et ouais, l'été, ouais, du coup, ouais, parce que l'après-midi, tu dis, quelque chose, parce que tu dis, ouais, j'ai l'après-midi de libre, mais en fait, tu dors. Ouais, c'est ça, tu te couches à 19h. Ouais. Et j'ai fait ça aussi, j'ai fait mise en rayon, inventaire, tout ça. Ok. Je vais me moucher. Pas de soucis. Je l'avais fait dans un magasin, c'était le Jiffy. C'était trop bizarre, j'étais arrivé et en fait, le patron. Déjà, j'arrive, il y avait une patronne et elle se barrait. Donc, elle s'en foutait complètement. Et. Elle était remplacée par un gars qui était venu de Corse. Un Corse, mon gars. Le et genre, Jiffy, tu fais le gars, il a pris le bateau et tout 2 jours avant pour venir dans le petit patelin du Jiffy pour faire manager. Et du coup, il nous faisait faire de la mise en rayon. Et en fait, Jiffy, les gens, ils s'en battent les couilles, tu vois, des articles, ils les prennent, ils les posent partout. Donc, tu passes ta journée à ranger après les gens. Et je me souviens juste le dernier jour, en fait, on était en train de ranger, donc le magasin était fermé. Et puis moi, donc en fait, t'as un petit chariot, puis tu finis par ranger des trucs et tout. Moi, j'avais pris mon sac en avance, et puis je l'avais posé, et je me baladais dans les rayons, et comme ça, je l'avais directement sur moi. Et le gars, il me voit, et il me regarde avec des yeux de Corse. Donc je me fiche sur place, je comprends pas pourquoi, et genre ultra vénère, il vient vers moi, il fait « Tu fais quoi avec ton sac, là ?» Et en fait, en gros, il croyait que je volais, parce qu'en fait, apparemment, dans ce truc-là, il y a plein de gens qui volent dans les magasins. Justement, ils en profitent pour prendre des trucs et tout. Et le gars, il a fouillé mon sac avant que je parte et tout. Et même s'il avait vu qu'il y avait rien, et ben en fait, quand il est parti, il m'a regardé en mode mine de rien, ça se trouve, t'avais prévu de le faire et tu l'as pas fait parce que je t'ai chopé avant et tout. Enfin, le gars était dans son délire. Non, mais d'accord. Voilà. Donc c'était super cool. Voilà. Et puis la musique qui tourne en boucle. Dans les supermarchés, c'est insupportable. Surtout l'été, t'as tous les tubes de l'été. Ah yes, cheerleader. Ouais. Et les gens qui viennent te demander des trucs, mais tu sais pas. Ouais, bah ça te parce que toi tu travailles pas vraiment là. En comment fait. Ça tu sais pas? Bah moi je suis là depuis hier. Donc... Ah bah ça ouais. Et d'ailleurs, en parlant des premiers boulots, moi je vais vous faire un petit interlude là pendant qu'on y est. Si vous avez fait le tour de tous vos premiers boulots, j'imagine que le premier boulot vous l'avez fait qu'une fois. C'est le truc qu'il fallait pas que je lise. C'est ça. C'est pas grave. C'est le saviez-vous de Clément sur les premiers boulots des stars. Alors, je voulais le tourner un peu en jeu. On peut le faire si vous arrivez pas. Je cite. Ouais. Et puis voilà. Hein. Pour garder un peu de temps devant nous, si on trouve pas. Voilà. Voilà. Est-ce que vous savez quel acteur masculin a été homme poulet pour vanter les mérites d'un fast-food ? Alors, je l'ai lu, donc je vais pas répondre. Ouais. Il est américain ou pas ? Il est américain. Tout à fait américain. Homme poulet, ça me dit quelque chose. Ce qui est assez, ouais, c'est drôle, c'est pour un fast-food et tout. Le mec est plutôt beau gosse quand même. Matthew McConaughey. Non. N'hésitez pas à poser des questions à Clément sur qui ça pourrait être. Oui, sur quel film il a joué. Il est blond, le mec. ce qu'il fait. Le l'acteur. Plutôt blond. Brad Pitt. Plutôt oui, c'est Brad Pitt. Voilà, Brad Pitt, qui était homme plutôt poulet. Donc, ouais. Dans Fight Club, il était blond. En tout cas. Voilà, donc lui. Alors, qui a été caissière chez McDonald's? Ça, Amy c'est récent. Du coup. Ah, quoi que non. Non, c'est McDonald's, pas récent. C'est en plus, c'est pas Emma Stone. Une jeune femme. Je verrais bien Lady Gaga, genre. Non. C'est une chanteuse américaine? C'est pas une chanteuse, mais elle est américaine. C'est une femme, ouais. C'est Emma Watson. Non, Sarah c'est plus vieille, plus vieille, bien plus vieille, et justement, ouais. Plus vieille. Tu la vois pas caissière chez McDonald's. Meryl Streep. Non. Christine Scott Thomas. Ah non, elle est anglaise, quoi. Non. Jennifer Aniston. Scarlett Johansson. Bon, après, vous dropez des noms. Vraiment. Bon, c'était Sharon Stone, en fait. Sharon Stone. Mais on l'imagine pas caissière chez McDo, quand même. C'est un peu... Bah, elle a fait une belle ascension, quoi. En vrai, voilà. Elle a pas juste fait manager. Tout à l'heure, on était à McDo. Peut-être, c'est ouais. Future Sharon Stone. Draguer des caissières McDo, c'est un placement. C'est un pari. Des hommes poulets aussi. Quel acteur était téléopérateur et s'occupait de vendre des stylos par téléphone? Des stylos, précisément. Leonardo DiCaprio. Dans le Loup de Wall Street. J'allais dire John Bersal. C'est pas DiCaprio, mais... Ouais, c'est... Enfin, moi, je dirais bien un mec genre Adrian Brody. Non. Al Pacino, genre. Ah, il est vieux, il est jeune? Non, il est plutôt... La trentaine? Non, c'est pas... Voilà, c'est cinquantaine. Cinquantaine? Ouais, c'est un acteur... Viggo Mortensen? Non. Bradley Cooper. Il est américain? Oui, il est américain. Johnny Depp? Oui. Ah, c'est ça? Oh. Je suis obligé de dire. Ouais. Non, c'est con. En fait, imaginez quand même qu'il y a des gens qui ont raccroché au nez de Johnny Depp, en fait. Genre, oh, ouais, clairement. Bon, c'était pas encore. Si vous voulez pécho Johnny Depp aussi, mais... ne raccrochez pas tout de suite. Demandez-lui comment ça va. Mais voilà, pareil, ça peut être des futurs Johnny Depp au téléphone, hein, on sait jamais. Hein. Qui a été jongleur professionnel? Alors, c'est sérieux. Alors, ça me tend banque sûrement. Jason, le connaissez, mais Jason Momoa. C'est pas genre Chris Pratt? Non. Non, mais je sais que j'avais vu une interview où il expliquait qu'il avait fait du cirque. Ouais, Chris Pratt, je l'ai pas dans ma liste. Non, mais il y en a d'autres qui ont fait du cirque qui sont assez impressionnants. C'est pas Jason Momoa? Non, même moi. Tu veux retenter? Jason Momoa. Des rouleaux? Ouais, non, toujours pas. Non, mais vous le connaissez peut-être. Enfin, ouais, il est moins connu. C'est Patrick Dempsey, le mec de Grey's Anatomy. Ah oui, oui, oui. Okay. Tu es jongleur pour il était jongleur? Je le vois pas. Marrant, ouais, ouais, moi non plus. Il fait pas du tout. Qui était. Alors là, c'est assez étonnant. Vendeur chez Gap. Précis. Hein. Gap. J'ai acheté un très beau pull en 5ème chez Gap. Est-ce que c'est une chanteuse ou un chanteur? C'est un chanteur. Est-ce que c'est l'un des Daft Punk? Plutôt rappeur d'ailleurs. D'accord. Plutôt rappeur? Eminem? Non, je pense pas. La Fouine. En fait, c'est quelqu'un qui maintenant est ultra riche et tu dis putain, vendeur chez Gap quoi. Swagman. Wow. C'est Swagman. Ouais, c'est... Il est ultra riche. Hein. Il est français ou ricain? Il est ricain. Il est tout à fait ricain. C'est pas Drake non plus. C'est Mac Miller. C'est pas Mac Miller. C'est Mac Lesguy. C'est Mac Lesguy, ouais. C'est McDonald's. Ouais. Lui-même. C'est le tour des Macs. Il est extrêmement riche. Ouais. Il est américain. Est-ce que c'est un Mac? Est-ce que c'est un Afro-américain? C'est un MC, ça c'est sûr. C'est toujours pas Drake. C'est un, Afro-américain ou quoi? Pardon? Afro-américain? Oui, je crois. Je sais pas. Non, mais il a raison, ça va. Oui, je crois, oui. Ok. Tu crois ou t'es sûr? Oui, je pense. Ok. Et est-ce bah que pas du tout. Est-ce que ouais, c'est que moi, Triple XXXTentacion? Non. Il est est-ce en que couple c'est avec quelqu'un de connu? Commence par Jay-Z. Un K. Kanye West. Oui, Kanye West. Sérieux? Kanye West qui était vendeur chez Gap. Ouais. Ah oui, d'accord. Il... Bah pareil, belle ascension. Finalement. Alors après, j'ai pas vérifié mes sources. Hein. Ça vient d'un site qui ça se trouve était chez Célio. C'était genre télé loisirs. Voilà. Célio lingerie peut-être, on sait pas. Qui était chauffeur livreur? Alors ça, c'est un vieux. Hein. C'est ça me dit quelque chose. C'est un. C'est un acteur ricain. Non. De... Ah bon, bah alors c'est pas ce que je pense. Bah pas du tout. C'est un chanteur. Oui, c'est un chanteur. Un vieux chanteur. Mort, hein, c'est. Comme, j'ai oublié son nom. Pas son nez. Moi, c'est moi. C'est Elvis Presley. J'allais dire Johnny Cash, voilà. C'est lui que je cherchais. C'est le chauffeur libre, ouais. Elvis Presley, étonnant aussi, pareil. À chaque fois, c'est étonnant, hein, j'ai envie de dire. Qui a été maçon? Ah, c'est Harrison Ford. Non, lui, non il était charpentier. Charpentier, pardon. Maçon, c'était. Emmanuel Masseron? Non, il est français. Il y avait d'ailleurs le premier boulot d'Emmanuel Macron, je sais plus ce que c'était. Bah, banquier, je crois. Parce que ah, bah, tiens, eh. Mais je l'ai pas mis. Parce que... Français, acteur français? Non, pas acteur, chanteur. Chanteur français. Chanteur français, Patrick Bruel. Il est pas mort? Ah non, mais oui, non, il est pas mort lui. Il est mort ou il est... Lui, il est mort. Ah oui, bah oui, non, lui, il est mort aussi. Il est mort aussi. Lui, il est mort aussi, ouais. Mais j'avais pas le Patrick Bruel est mort? Quoi? Charles Aznavour? Non. Johnny? Michel Delpech? Non plus, non plus. Ah. Qui c'est qui est mort? C'est un chanteur, je vais vous demander chanteur une imitation mort. Après. Donc celui qui le trouve a fait l'imitation après. Chanteur français mort? Oui. Johnny? Il avait une belle moustache. Rochefort? Non, chanteur. Michel Delpech? Non. Ah putain. Le moustache. C'est pas celui qui. Le guitare. Georges Moustaki. Non, Brassens. Georges Brassens. Oui. Ah, Georges Brassens. Qui veut l'imiter? C'est lui qui a trouvé. Je peux imiter la guitare. Je n'étais pas là. Les gens Garogori de la Méduse. Non, là j'ai fait un accent bizarre. Bon, c'est dur à imiter. Bon, bref, voilà, c'était Brassens qui était maçon, sûrement dans le sud. Georges. Bah, il habitait à Sète, je crois. Ce bon vieux Georges. Ce bon vieux Georges. Qui était professeur de natation? Alors, un très grand acteur américain. Ah, Patrick Stewart. J'imagine peu dans l'eau, mais. Ah non, il est en fauteuil roulant dans X-Men, c'est pas possible. Oui, du coup, bah, j'imagine peu dans l'eau. Du coup. Je coule. Très grand acteur. La chaise est en acier. Ouais, c'est un acteur reconnu. Genre, est-ce que c'est légendaire, genre De Niro de cette trempe-là? C'est dans cette trempe-là, ouais. D'accord, non, c'est Joe Pesci. Non. C'est Al Pacino. Non, tu vas peut-être tous me les faire, vas-y. C'est The Irishman. Ouais, ouais. Qui c'est que ça pourrait être? C'est... Non, il y a le McKellen, il est anglais. On pourrait pas Bruce vraiment Willis. Imaginer qu'il était prof... Non, professeur de natation. On le, voit pas prof de natation, tu dis? Bah, ouais, non. En tout cas, dans ses films, il a jamais été prof de natation. Ah, donc, c'est... donc tous les il acteurs du grand bain. Plutôt dans des films où il faisait chaud, mais pas de piscine. C'est... Plus désertique. Plus des Westerns. Denzel Washington. Clint Eastwood. Oui, Clint Eastwood. Ouais. Putain, ouais, Denzel Washington. Allez, il me reste plus que deux. Alors là, c'est les plus fous. Je vous les ai gardés pour la fin. Qui était dompteur de lions? Ah, je l'ai Étonnant. Entendu ça. Ouais, putain. Ça, c'est fou. Alors, je l'ai lu sur le conducteur et je l'ai complètement oublié. Eh ben, tant mieux. Un acteur. Ouais. C'est. Très c'est Hugh Laurie. Alors, c'est plus un acteur de second rôle, mais il est connu pour ses second rôles. Enfin, il est genre vraiment méchamment connu pour ses second rôles. Philippe Seymour Hoffman? Non. William Fichtner? Non. Tu vas me citer tous les mecs. William tous les seconds couteaux que je connais. Tous les. Le second couteau, c'est lui. Rickin, donc. Oui, alors on me dit, pardon, Clint Eastwood n'a pas fait que des westerns. Oui, mais il est quand même reconnu pour ça, quand même. C'est pour ça que j'ai dit. Pardon, excusez-moi. Jim Carrey. Oui, il est Rickin, oui. Deux. Ah putain, j'en allez, messieurs, bon, là allez. Vous voulez que je vous le dise? C'est un acteur, il est connu dans. Pulp Fiction, il me semble qu'il a. Ouais, c'est Bruce Willis, second qui était dompteur de lion. Je crois que c'est lui, hein. Ouais, Christopher Walken. Ah ouais, c'est okay. Le mec qui a la montre. C'est Mike Shrek dans Batman Returns aussi. Dans Pulp Fiction, c'est celui qui a la montre. Ouais, c'est ça. Ouais, voilà. Et il fait beaucoup de méchants. Oui. Voilà. Bah, dans Batman, le Max Shrek. Pardon. Ouais. Et du coup, il était dompteur de lion. Étonnant. Ben, putain. Comme quoi. Faut avoir des couilles. Hein. Et enfin, qui a été cracheur de feu? Oula. Au premier boulot. Je savais même pas que ça pouvait être un boulot. Ils ont quand même des premiers Olivier boulots Mine. Plutôt cool. Ouais, c'est ça qui est fou. Ouais, c'est vraiment les premiers boulots américains, tu sais. Cracheur de feu. Christine J'étais Bravo. Cracheur de feu. Qui fait que... Je suis à court de... On est sur du français ou de... On est sur de l'américain. Hein. On est sur du bon américain. Quoique anglais, peut-être. Quoique... Ah. On est sur de l'anglophone. Plutôt anglais, je crois. Mais je veux pas dire des conneries. Je pense plutôt anglais. C'est quoi sa tranche d'âge? En tout cas, il est connu pour avoir fait un personnage anglais. C'est un vieux maintenant. Benedict Cumberbatch. Non, c'est un vieux maintenant. Ian McKellen. C'est moins vieux. Je crois que je ne sais pas vraiment en fait. Non, c'est un acteur très beau gosse. Voilà, il jouait un. Hugh Grant. Un perso hyper sexualisé, je sais pas si ça se dit. Ouais. Anglais. Un perso joué par plusieurs acteurs. Pierce Brosnan? Oui, Pierce Brosnan. Okay. Ouais. Cracheur de feu. James Bond. Alors que James Bond n'a jamais craché de feu. Tu vois, il aurait pu. Il aurait pu faire attends. Sa gadget. Ça aurait pu être incorporé. Ouais, voilà. Il a des montres à laser, mais il a craché de feu. Voilà, on a fait le tour un petit peu. Voilà, ah, bah, bien joué. Bravo. Ça vous a plu. On continue. Moi, ça m'a plu. Avec le sujet. Avec plutôt les boulots un peu maintenant, quoi. Est-ce que du coup, on va passer au. En fait. Ouais, pardon, j'arrive plus à, c'est l'heure où j'arrive plus à m'exprimer. Gerbe, hein. Vous faites. Enfin, d'abord, la question c'est personne ne fait le boulot qu'il voulait faire à la base en ce moment. On est d'accord? Bah, non. Ouais. Moi, j'essaie de le pratiquer le boulot que je veux faire, ouais. Mais ça rapporte rien. Voilà. Toi, j'imagine que tu voulais pas bosser chez UGC. Non, voilà. Entre vétérinaire et cinéma, on n'est pas exactement. Ouais. Bah, il y a Docteur Doolittle qui sort bientôt, alors accroche-toi. C'est hein. Vrai, c'est vrai. C'est lié. C'est vrai. Donc en gros ouais on a tous fait un peu des petits boulots plus récemment on va dire j'ai l'impression. Ouais. Est-ce qu'on commencerait pas par Nico et d'abord ton boulot à l'UGC, puis après tu peux passer sur d'autres trucs. Moi j'aurais bien aimé savoir si t'avais un peu des anecdotes à nous raconter sur ce que c'est de bosser dans un grand cinéma, on peut dire. Des anecdotes, bah il y a toujours des trucs drôles. Il y a des gens qui prennent tarif plein alors qu'ils ont des rêves, quoi. Ça, c'est la tuile pour eux. Non, il y a toujours des trucs rigolos, mais ouais, bah il y a forcément tout ce qui est. Quand nous on a des ventes entre guillemets à faire et quand ouais. Tu proposes des choses à des gens qui sont complètement valables au final et que les gens ont juste pas envie de t'écouter, c'est assez rigolo des fois. Tu leur dis qu'ils vont payer moins cher mais ils te disent non, je ne suis pas intéressé. Je veux payer cher. Ils croient qu'ils vont se faire piéger. Okay. Ils croient qu'ils vont se faire piéger et perdre du temps. C'est clairement ça. Mais après non, les trucs les plus rigolos, enfin les anecdotes, j'irais plus quand on nettoie les salles ou les toilettes. Ah. Les trucs rigolos. Enfin, les toilettes, les gens. C'est quand même fou parce que je veux dire, c'est pas si compliqué au final de viser. Un toilette, c'est déjà assez large. Bon, après, tu nous passes les détails. Mais bon, ouais. Mais moi, je voulais juste dire un truc. Déjà, l'UGC Confluence, je conseille d'aller là-bas parce que j'adore ce ciné, ce multiplex, d'ailleurs, on peut le dire. Et je trouve très propre en fait en général. En tout cas, c'est que vous faites du très bon boulot. Grâce à Nico. Ouais. Et non, et je trouve les salles assez propres à chaque fois, quand même, par rapport à tous les autres ciné que j'ai pu faire, tous les multiplex que j'ai pu faire. Voilà. UGC Cité Internationale est très bien aussi. Ouais, en fait, ouais. tous les UGC, je trouve, sont très propres et ont une super programmation en VO, ce qui est très rare quand même à Lyon. Ils ont des petits événements aussi, ils ont des séances où il y a des gens qui viennent. Ouais. Pas qu'il n'y a pas assez de VO, désolé. Ouais, bah oui. Alors qu'à Paris, il n'y a que ça. Mais bon. Et néanmoins, par contre, j'ai un petit coup de gueule à faire passer à l'UGC Confluence. L'autre jour. Qu'est-ce que je fais? Je me dis, je vais me prendre des petits pop-corn. Et ils étaient salés, t'avais demandé sucré. Alors j'avais demandé sucré. Et il y avait un peu des salés qui étaient passés dedans. Moi je suis sûr que c'est avec la pelle. Je sais pas. Et je sais pas comment ils se sont démerdés. Je me suis dit, t'es dans le Nico, sucré. Tu feras remonter le message. Ouais, voilà. J'espère que ça va. Ouais. Voilà, je me sers de ce podcast pour passer mon coup de gueule. C'est des coups de gueule, ouais. Ce qu'il faut à un moment quand même. Moi j'étais là devant mon film, sucré, j'étais. Tu voulais pas que je parle de mon arnaque là, mais finalement tu t'es fait avoir. C'est bien mieux que ton arnaque de batterie, je suis désolé. Ouais. Voilà, putain. Non mais c'était juste pour dire. En tout cas, les UGC, on conseille des très bonnes salles. D'autres anecdotes du coup là-dessus ou pas? Ouais, bon après en soi, c'est surtout des bonnes trouvailles dans les salles quand on nettoie les salles une fois que les gens sont partis. Tu trouves des objets un peu bien ou enfin fous? Il y a souvent des portables, des trucs comme ça, des portails, mais bon, les gens viennent les récupérer assez rapidement. Ouais. Mais après, il y a des trucs un peu plus rigolos. Moi j'ai une question. Une question dont je me suis posé, c'est s'il y a une séance. Ouais. Où il n'y a personne qui vient, est-ce que vous faites tourner le film quand même? Alors ça dépend, normalement non. Enfin généralement nous, parce qu'on a quand on fait les salles, on regarde le nombre de personnes qu'il y a dedans, savoir si on a besoin d'être plusieurs, etc. Enfin bref, on s'organise. Et du coup on voit s'il n'y a personne ou pas de cette manière-là. Et quand on le voit, généralement on le fait remonter aux opérateurs qui eux arrêtent ou pas le film, c'est eux qui décident en fait. D'accord. Ah. Mais en soi, s'il n'y a personne, ça arrive qu'il soit arrêté. Et s'il y a un pélo, vous le faites? Ouais, s'il y a un mec, le film passe. D'accord, ok. Okay. Ils lui mettent une petite télé sur un portable, ils lui mettent un smartphone. Bon bah regarde-le. Il a une séance privée. Et moi j'ai une autre question. Il paraît que quand il y avait eu des projections de Fifty Shades of Grey et tout ça, apparemment les gens qui bossaient dans les cinémas avaient retrouvé des concombres et tout ça. Il y a eu After Night, un truc comme ça. After tout court, est-ce que tu as eu des trucs comme ça aussi? On a retrouvé des sous-vêtements. Wow. Parfait. Les gens partent sans leur slip. Moi ça m'est pas arrivé, mais j'ai un pote qui a trouvé une capote. Ah yes. Et donc après, c'est ça, il a fait un caniche avec des connards, le gars. Après il y a des trucs un peu plus dégueulasses, genre des boîtes de Big Mac remplies de vomi. Du coup quand tu la prends, doute pas qu'il y a du vomi. Je suis désolé pour toi mec. Du coup ça m'est pas arrivé encore une fois, je m'estime heureux, mais mais ouais non, il y a 2-3 trucs assez limite. Il y a des mines des fois, les gens les fois ça explose d'un coup. mais non, on trouve toutes sortes de choses, mais des fois c'est cool, on trouve des petits billets, des petits trucs que les gens reviennent pas forcément chercher parce que sinon ce serait trop simple de te pointer et dire j'ai perdu 10 balles la semaine dernière. du coup non, il y a des généralement c'est des surprises assez rigolotes, mais ça peut arriver des trucs un peu moins rigolos quoi. À quel moment tu sors ton liquide dans la salle de cinéma? Tu comptes tes sous pendant la pub? Je ne sais pas, il y a certaines choses. 50 le popcorn quand même hein. Et est-ce que t'as croisé un peu des stars pour les avant-premières et tout, ça alors, de gérer des stars en tout cas? De gérer non, parce qu'en fait il y a des personnes qui s'occupent de ça dans le cinéma. Après d'en croiser etc, c'est arrivé, mais ça reste les avant-premières qui sont en tout cas sur Lyon à Confluence, c'est des acteurs français. Ça peut être des bons acteurs. Omar Sy ou Grinch. Ceux que j'ai en tête, ça va être les Danny Boone. Il y a eu des, ben, il y a eu récemment Max Boublil qui est très grand, plus grand que ce que je pensais. Bon, c'est pas très important. Comme... c'est une bonne anecdote. Ce sera le titre du podcast. Max Boublil est grand. Après, il y a souvent des, il y a des réals qui peuvent être cool. Il y a eu Xavier Dolan il y a pas longtemps, ouais, qui est assez prestigieux. On nous le dit dans le chat. Et puis voilà, non, il peut y avoir des 2-3 acteurs cool, mais nous on les gère pas. À la limite, on leur apporte une petite badoire rouge et puis, puis voilà quoi. Ouais. Mais on les gère pas directement, donc ça va pas plus loin qu'un bonjour ou quelque chose, d'assez succinct quoi. Je savais pas. Et je voulais savoir si ça avait été facile de rentrer dans ce truc là, d'être embauché là-dedans. Genre, c'est un processus compliqué, c'est... En soi, moi j'ai eu un peu un piston. J'ai eu un peu un piston, ouais, parce que j'avais fils à papa, va. que tout le monde connaissait, mon père, mais j'avais une amie qui bossait déjà là-bas. Oui. Et moi je cherchais un boulot, et du coup j'en ai profité pour me glisser un peu à travers. Mais en soi, je me suis pointé dans le ciné en apportant mon CV et ma lettre de motivation, et je suis tombé sur le directeur du ciné. Donc j'ai eu un peu de chance. Ouais. Il m'a fait une sorte de mini entretien pendant 5 minutes au début, et puis t'as fait passer des tests. Est-ce que tu sais faire la roue? Ça s'est bien passé. Après, en fait, il y a une quantité de demandes assez incroyable. C'est vraiment fou. Depuis que j'y bosse, tous les jours, il y a des quantités de CV, de candidatures qui arrivent. C'est dingue. Si le profil correspond, ça me paraît pas compliqué de rester et de garder un boulot comme ça quoi. Parce que à partir du moment où tu sais un peu ce que c'est que travailler entre guillemets, tu sais ce qu'il faut à peu près faire ou pas faire, et c'est pas compliqué d'y rester. C'est pas après hardcore, généralement les, parce qu'il y a pas mal de postes qui tournent un peu, on est un peu tous dans, c'est une grande équipe, on est un peu tous dans le même profil de jeune avec d'autres trucs en tête à faire plus tard, etc., même s'il y en a qui sont un peu plus fixes. Du coup, il y a pas mal de postes qui tournent, mais généralement, ceux qui restent pas, c'est de souvenirs, c'est vraiment des jeunes, quoi. Des gens qui sortent à peine du bac ou des choses comme ça, c'est leur premier boulot, plus ou moins. Et puis, tu sens qu'il y a une maturité qui n'est pas là au niveau du taf, quoi. Ils et là, comme tu as une relation client, moi, je ne connaissais pas du tout ça avant, et comme tu as une relation avec le client là, il faut que ce soit mature à ce niveau là quoi. Du coup ça pêche un peu, mais en soi ça me paraît pas être un boulot dur, et puis c'est pas de la vente comme si c'était du prêt-à-porter ou de la pré-restauration. C'est un beau métier en vrai, je trouve. Enfin, bosser dans un cinéma, c'est un beau métier. Ouais, et puis les gens viennent pour un divertissement, donc même si ça reste de la vente et qu'il y a quand même ce truc de vente, les gens viennent un peu en détente quoi. Ouais. Ils viennent pour voir un film, ils viennent pour ils sont contents de venir dans un Ikea. Ouais. En fait, le seul inconvénient, c'est que tu bosses les week-ends et le soir. Ouais, au niveau des plannings, c'est sûr que c'est sûr que depuis que j'y bosse, j'ai beaucoup moins de temps à côté. Après, c'est quelque chose que j'accepte complètement et que j'ai voulu, mais j'ai jamais les mêmes jours de repos. Les horaires, c'est variable entre 10h et 23h, et ça aussi tous les jours. Ok. Du coup, faut être vachement malléable dans son planning quoi. Mais ça a des avantages aussi. S'il y a des jours où j'ai besoin de quelque chose, je peux échanger avec un collègue assez rapidement en une semaine. Du coup, ça va dans les deux sens, quoi. Je fais une mini-intervention parce que tu as parlé de ton ami, enfin notre ami, mais qui bossait avec toi. Elle m'a aidé pour faire ton Fast and Curious et du coup, j'ai oublié de la remercier, mais voilà, je la remercie. Elle m'a bien aidé. On fait une bise à... Bah, on peut la citer. À Most Dope, à Manon. Voilà, à Most Dope. Bah, c'est un truc qu'elle m'avait proposé, Most et Dope. C'est beau. Fast and Curious. Voilà. C'est beau. Mais j'ai dit non, c'est de la merde. On l'embrasse. Bah oui. Fais une grosse bise. Bah voilà. Oui. C'est quoi les autres questions? C'est qu'est-ce qu'on fait maintenant là... Ouais, en fait, non, mais moi j'avais une question qu'on n'a pas trop citée. C'était quoi votre meilleur boulot? On n'en a pas parlé de ça. C'est le prochain. Moi je peux te répondre. Pour l'instant, ce que vous avez fait, ouais, vos meilleurs boulots. Moi je peux te répondre, bah je peux faire 2 ans en fait, parce que le boulot que je fais actuellement, c'est pas le boulot auquel je me dessine, mais pourtant c'est le meilleur boulot que j'ai fait. Ça paraît très con et peu croyable, mais je suis préparateur de commandes dans une chambre froide, dans un espèce de grossiste qui balance qui envoie des fruits et légumes à des restaurants, et en vrai c'est trop bien. Je sais pas si c'est l'ambiance ou le contexte que j'en découvre plein et tout, et ça t'incite en plus à manger moins de viande, c'est bien parce que tu te dis, en fait je me dis que depuis que je bosse là, que je comprends beaucoup plus les véganes, parce qu'ils ont un monde gustatif qui est genre infini. Il y a une diversité incroyable. Il y a des millions de trucs que vous connaissez pas. J'ai l'impression d'être un hipster. les courgettes jaunes. La société n'est pas prête. La société devrait s'y ouvrir, et non, franchement c'est un métier super, les gens sont super sympas. Et voilà, et j'embrasse tout le monde. On leur passe le coucou. Et je sais plus où je voulais en venir. Bah non, mais c'était ton meilleur boulot actuel. Bah c'est mon meilleur boulot, franchement. Bien, les gens sont super sympas et j'ai beaucoup d'affinités avec les gens. Super. Voilà. Toi, Quentin, ce serait quoi ton meilleur boulot que t'aies fait jusqu'à maintenant? Bah moi j'en ai pas. Ah ouais, bah, pour l'instant je ouais. suis pas encore satisfait. Ouais. Mais ouais, alors on en parlera après, mais ouais, on en parlera après. Si tu devais en choisir un pour l'instant. Pour l'instant c'est un G-son ou c'est... Mais est-ce que t'as déjà été payé en tant qu'un G-son? Ouais. Bah donc ça serait ça, non? J'ai été payé en composition musique aussi. Ah, bah voilà, bah, ça c'est bien ça, non? C'est peut-être ça le qui t'a, ouais, c'est qui sympa, t'a motivé, c'est en fait. Je sais pas, je pense que je suis peut-être un peu... T'es pas encore épanoui. Ouais, pas encore satisfait. Ah, moi non plus, mais tu vois, quand, moi quand je vais au boulot, là je sais, enfin... Je suis pas hyper... Non, j'ai pas le sourire non plus, ça reste un travail. Si je pouvais rester à rien branler chez moi et jouer à Witcher, ouais, par exemple, je le ferais. Mais je suis pas hyper mécontent, pas comme le boulot que je faisais l'été, là, dans un bureau où je nettoyais avec des brosses à dents. Et... Ouais, on va pas revenir là-dessus. Ouais, passer, passer à quelqu'un d'autre, je vais aller me mettre de l'eau sur le visage. Bah, on passe à Nico. Nico, toi, ça serait quoi, du coup, ton meilleur boulot? Ça serait du GC ou pas? Ou d'autres? Ouais, je pense que sur le moyen terme, je dirais UGC, parce que bah, ça fait quasiment un an que j'y bosse. Et je me lève toujours pas le matin en me disant ah putain, faut que j'aille bosser. Bon, même si tous les matins je me dis pas wouhou, ouais, ouais, bah voilà, mais c'est le job alimentaire le moins dérangeant que j'ai fait, je pense. Et puis c'est, enfin, si pendant, je sais pas, 7 mois cette année, on s'est plaint parce qu'il y a personne et que tu te fais chier, quoi. Donc il y a pire comme situation, parce qu'on est quand même payé au problème final. Problème de blanc déjà. Ouais. Mais du coup je dirais UGC. Après, sur des courts termes, bah, on parlait des vendanges tout à l'heure. Je pense que c'est vraiment un truc à faire. Et si j'aurais eu le, si j'aurais eu la motivation, le temps et tout pour le refaire cette année, je l'aurais fait. Mais après, comme j'avais déjà UGC, etc., je suis pas reparti dessus. Mais je pense que si j'ai l'occasion de le refaire, je le referai. Et... Ok. On peut conseiller deux boulots, UGC, enfin, voilà. Vendange l'été. Bosser dans un cinéma, vendez les popcorn, ramasser les raisins, et puis votre vie sera pas. Grosse pub pour UGC ce soir. Hein. Ouais, on les embrasse, s'ils ont des tickets. On est preneurs. On les embrasse. Netflix aussi, on a passé leur logo. C'est vrai. Leur jingle. C'est vrai. Clément Cool, 69. Moi, en réfléchissant, c'est vrai que là, en 2-3 ans, j'ai fait plein de boulots, parce que l'année dernière, enfin, oui, jusqu'à... Il y a quelques mois, j'étais en intérim et du coup, j'ai enchaîné plein de boulots. Mais souvent, c'était un peu des boulots alimentaires, bah, comme tout à l'heure, tu disais, de la logistique pure, déplacer des palettes et tout, ce qui n'était pas fun. En boulot cool que j'ai fait en intérim, c'était nettoyer des voitures de location. Et en fait, ce qui était cool, c'est que bah, c'était du nettoyage, mais en fait... Tu mettais du Guns N' Roses derrière. Mais en fait, l'avantage, c'est qu'après, moi, je conduisais les voitures et je les garais au parking à côté. Et du coup, j'ai conduit toutes les voitures qui existent. Mais il y avait des Alfa Romeo. Il y avait des Saxos. Un virage. J'allais jusqu'à la troisième, je pense. Mais parce que je fonçais, tu vois. Normalement, c'était en première, mais voilà. Bolide. Mais je conduisais des super belles voitures. Ça, c'était assez fun. Mais ça, c'était pour l'intérêt. Mais après, en boulot assez fou que j'ai pu faire et que ce qui est assez incroyable, parce que en fait, j'étais encore à l'ARFIS quand je l'ai fait. Et allez, notre école, on merde, l'a dit. J'ai même rompé. Bon, on s'est dit qu'il fallait école. Pas qu'on dise le nom des gens. Oui, mais on peut dire le nom de l'école. ARFIS école. J'ai fait en stage, en fait, j'étais en stage pour un youtubeur qui s'appelle Greg Guillotin. Waouh. Et donc j'étais son monteur quand j'étais en stage, et ensuite il m'a gardé pendant quelques mois après, en fait, une fois que j'avais quitté l'école. J'ai quitté l'école. C'est section d'assaut, non? J'ai pété les plombs. Je l'ai pas, moi, je l'ai pas. Ouais, j'ai cru que quelqu'un l'aurait. Grange qui est dans le milieu, ouais, c'est ça. Ouais, mais moi, et du coup, ouais, j'ai quand même. Ce qui était fou, c'est quand même que j'ai monté avec lui. Enfin, on était une petite équipe de 4-5 et on a monté. Enfin, moi, j'ai participé à deux prime time qui ont été diffusés sur C8. Et j'ai fait des vidéos qui ont fait 3-4 millions de vues et qui sont toujours en ligne, quoi. Voilà. Comme quoi, ça assure pas un boulot derrière. Et par contre, voilà, maintenant j'installe des vidéoprojecteurs. Bon, on bosse avec des gens connus, forcément. Ouais, mais en tout cas, c'était une expérience de dingue et je le remercie. Si un jour il passe écouter le podcast, ça serait cool. Et en tout cas, qu'il laisse la chance comme ça à des gens. Parce qu'en vrai, je lui ai parlé vite fait par mail. Et il m'a dit, bah, je te prends en stage et tout. Il a quasiment pas regardé de quoi j'étais capable. Il a juste vu que j'étais sympa. Il fait bon. Et en vrai, bah, après, il y a une sorte d'amitié qui s'est créée. Enfin, les gars de YouTube en général sont super cool là-dessus. Et c'était une super expérience, surtout. Voilà. En termes d'expérience. Je me permets de rebondir. Moi, j'ai pas bossé pour quelqu'un de YouTube, mais j'ai bossé pour quelqu'un de plutôt Snapchat et la télé-réalité. J'ai fait un stage pour une boîte de prod qui bossait pour une entreprise dont le client était Jerem Star. Voilà. quand même. Ah, pas ouf. Enfin, pas, j'ai pas, en fait, pas tous les youtubeurs. J'ai pas tissé autant de liens avec lui que toi avec Greg Guillotin, tu vois. Alors, Jérém Star est vraiment pas méchant. Il est un peu diva, mais c'est vraiment. C'est pas une. Oui, c'est, après, pas, c'est, ouais. pas, c'est pas un connard, hein, vous inquiétez pas. C'est pas un casse-couille. Juste, il est très pas nous révéler des news sur Jérém Star. Et il est comme ça, c'est pas juste pour les snaps. Il est pareil, il s'appelle pas vraiment Jérém Star. Il s'appelle Jérémy Star... Starmania. Jésus-Christ Superstar, il s'appelle. Et, voilà. Et voilà, bon, c'est juste pour le placer. Placer des noms comme ça. Et comme quoi, voilà, une belle expérience aussi, au final. Oui, bah parfait, j'ai touché. En fait, c'est toujours assez fou de rencontrer des gens comme ça, parce que tu les vois derrière ton écran, et en fait, les rencontrer d'un coup, tu fais « wow, putain ». Déjà, la première fois que j'ai vu Greg, qui a quand même un physique assez distinctif, on va dire, tu sais, il a pas un... Enfin, je sais pas, il est pas banal. Il est moche, c'est ça que non, non. Non, mais il est facilement reconnaissable en fait, Greg Guillotin. Ouais. Oui, oui, c'est sa tête, tu vois. Ouais. Et en fait, le voir rentrer dans le bureau tranquille comme ça, me faire un check et tout, je fais waouh. Tu dis waouh, okay, quelqu'un de connu. Bah voilà, quoi, c'est parti. Tu dis oh putain, j'ai regardé tous tes sketchs. Ça a duré 8 mois, donc c'était fou. Ouais, trop et bien. Sacrée aventure. T'as le dézapping du before. Ouais, et après, voilà, on a pu discuter de bagels et tout, c'était incroyable. Sinon, si... alors oui, j'ai failli enchaîner sur un autre truc qui avait rien à voir. quel... Alors, on a une petite question pour plus tard. Enfin, c'est plus un peu le. Oh, ouais, bon, je vais reformuler, rien à voir. Quel métier feriez-vous si vous aviez une deuxième vie? C'est une question un peu philosophique, mais qui peut être assez intéressante. Toi, par exemple, Quentin, qui est actuellement pas épanoui, en fait, qu'est-ce que tu aimerais faire en vrai pour après, être épanoui? Après, je connaissais un truc comme ça où c'était la question on te posait, c'était si on vivait dans un monde où il n'y a pas d'argent. Qu'est-ce que tu voudrais faire? Ah, bah écoute, c'est encore mieux. Bah, franchement, écris notre podcast à notre place. J'ai demandé à mes parents et tout, et c'est assez étonnant les réponses que tu peux avoir. Ouais. Bah, les gens ils disent moi je veux faire de l'enseignement. Homme poulet. Moi je ferais ci, je ferais ça. De l'enseignement, ouais, par exemple. Trucs comme ça. C'est bien. C'est un beau boulot. Ouais. Moi je pense que je ferais de la création, tu vois. Il y a que là-dedans artistique, que je m'épanouis. Du coup, ouais. Créer des trucs en fait. Avoir une idée, l'aboutir. À la fin d'avoir abouti quelque chose, un projet, c'est le seul truc qui me fait kiffer. Donc voilà. Bah, c'est vrai que la création artistique, c'est ce qui est le plus. Parce que j'avais voulu faire à un moment donné bijoutier, tu vois, des trucs comme ça. Et juste ces trucs-là, voilà. T'as rien et tu crées quelque chose qui existe dans le réel grâce à toi. Et ça marque un peu les gens. Ouais, ou moins, quoi. En fait, cette sensation de trucs accomplis, concrets, et ben ça, c'est super cool, tu vois. Ouais, c'est vrai que c'est beau, ouais. Bah mon grand-père était joaillier et c'était un super métier. Ouais, bah, oh là, moi je kiffe. Il a créé le pour de vrai, il a créé le gant de l'infini, il a créé un gant en or mais sans les joyaux mais c'est cool. Avant il aurait pu Avengers, bien bah mon grand-père quoi. C'est lui qui a c'était l'époque du Moyen-Âge tout ça. Et ouais, il a reçu un espèce de d'award des États-Unis pour ça. Que tu peux mettre dans la main genre taille 1/1 ouais, OK. Énorme. À taille à échelle humaine. Et sinon, moi, j'aurais bien fait, j'aurais bien bossé avec des animaux, donc peut-être pas vétérinaire, mais m'occuper d'animaux dans un zoo, parce que bon, apparemment les zoos c'est pas bien, mais quitte à ce qu'ils soient là, autant bien s'occuper d'eux. Mmh. Et peu importe la paye, moi c'est le relationnel aussi, puis voilà. Ça aurait été bien. Mais cool. C'est vrai que si oui, si il y avait une société sans argent, c'est vrai que là, ça ouvre plus de portes en fait, d'un coup. Ah bah les intermittents. Attends, tu ferais quoi toi? C'est vrai que ça serait de la création aussi artistique, je pense, parce que je kiffe. Toi, je te vois bien graphiste, toi. C'est vrai. Ouais. Pourtant, je suis pas. T'as bien une gueule de graphiste. Je te vois bien dans des caves à dessiner. Des... Regardez sa gueule, là. Regardez sa gueule, il est bien graphiste. Dans des grottes. Non, mais après, ouais, de la création, ouais, j'aime bien laisser une marque, en fait, et c'est peut-être ce qui finalement caractérise le plus l'humain, quoi, c'est vouloir laisser sa marque sur Terre. Waouh. On nous dit quoi? De la menuiserie, de la charpente, construire des cabanes pour des gens, construire des cabanes et tout, c'est vrai que c'est beau aussi. Bon, soigneur zoo, c'est vrai que ça serait kiffant aussi, s'occuper des animaux. C'est vrai que je ne sais pas dessiner, bon bref, voilà. Et toi Nico, ça serait quoi? Moi je pense que ça rejoindrait aussi l'enseignement, ce qui était dit tout à l'heure, mais d'un point de vue... Transmettre ton savoir quoi. Gourou quoi. Ouais, mais gourou de secte. Je fonderais une secte. Gourou de secte, s'il vous plaît. Non, mais ce serait plus de l'enseignement, mais je dirais sportif pour que ça reste global. Mais c'est compliqué à définir un truc précis. Prof de musique aussi. De l'aide au développement. Prof de batterie. Ça, ce serait enseigner le principe de pouvoir s'évader en faisant du sport, et par sport j'entends beaucoup de sports de glisse entre guillemets, parce que c'est ce que j'aime beaucoup aujourd'hui, mais de quel type? Neige. Ce qui pourrait être moi ce qui me parle le plus aujourd'hui c'est le skate, mais après ça pourrait être le surf et le snow, ce que je fais absolument jamais, mais ça m'aurait plu d'être bon, de me sentir bon là-dedans et de pouvoir l'enseigner à des gens. Ouais. Parce que c'est, je trouve que c'est des domaines comme il peut y avoir d'autres domaines, enfin d'autres sports comme cela, ouais. où ça fait du bien de fou, quoi. C'est tu te vides la tête sur des trucs. Enfin, je sais pas. Puis moi, aussi, t'as dit un truc intéressant aussi, le fait de se sentir bon dans quelque chose. Ouais. Ça, c'est ouais. super agréable. Mmh. Ouais, du coup, c'est agréable. Tu fais quelque chose de métier, hein, pour l'instant. Mais peu importe quoi, tu vois, genre même si ouais. c'est jeu ou jeu vidéo, j'en sais rien, toi, t'es bon à un jeu et tout. Mmh. Rien que ça, ça te donne beaucoup de satisfaction. De satisfaction, ouais, ça aide à la confiance. Bon, juste éteins ce vibreur. C'est quand même fou, j'ai une notification qui arrive. Le vibreur. C'est pas. Mais ouais, non, cette satisfaction, elle est cool. Après, je pense pas qu'elle soit très compliquée à atteindre. Je pense que c'est bien de se fixer des objectifs, mais de se fixer ouais. des objectifs plus ou moins atteignables pour pouvoir en refixer d'autres après et ouais. être satisfait, mais continuer à, mmh. à progresser et à se développer. Quoi. C'est pour ça qu'avec Clément, on a créé une chaîne et que le premier sketch a beaucoup de défauts, mais qu'on le prend comme le premier sketch qu'on fait. C'est tout. Voilà. Ouais, tout et fait. Puis si on vivait dans un monde avec argent, j'aimerais gérer les fortunes des autres. Et leur prendre. Parce que ça, c'est génial. Ou alors, agent immobilier de trucs, de maisons à 64 millions et tout. Ah, j'avoue. T'es taré, tu fais alors là, il y a 18 salles de bain, c'est immense et tout. T'achètes ? C'est ça, quand j'étais plus petit, moi, je voulais être architecte d'intérieur, mais pour des trucs de fou, quoi. Aussi, tu vois, n'importe quel métier, de le faire à très haut niveau, ouais. c'est un truc qui attire de ouf. C'est pour ça, moi, je dis, je suis pas satisfait parce que j'ai envie de faire les trucs à super haut niveau, tu vois. Genre du cinéma. Ouais, c'est super ultra, gratifiant, ouais, voilà, ouais. t'es dans VR. Un cercle de gens confirmés, ouais. Tu gagnes beaucoup d'argent aussi. Je vois. Voilà. Et où, du coup, c'est ultra gratifiant sur tous les plans et t'as l'impression d'avoir accompli un peu comme si c'était un jeu et que t'avais monté les niveaux et que t'arrivais à un niveau confirmé. Ouais. Et t'as cette espèce de truc où tu fais, ouais, d'accord, c'est cool. Quoi. Mm. Et là, tu peux regarder en arrière, tu dis, ah ouais, j'ai galéré. Ce que j'ai fait, c'est beau. Voilà. C'est bon, je suis fier. Dans des conditions extrêmes. Comme moi dans ma chambre froide à 8 degrés. Exactement. Je vais passer à 3 bientôt. Nous dit, c'est quand même fou de parler comme si on était condamné à un seul métier. Enfin, au seul métier qu'on a commencé à étudier, qu'on peut largement devenir complètement autre chose. Oui, en fait, oui, on est encore jeune, on peut changer de carrière. Oui, oui, on peut changer. Mais c'est pour ça qu'en fait, la question c'était qu'est-ce que vous feriez si vous aviez une deuxième vie. Mais ça peut être même maintenant, de toute façon, on a le temps de changer encore. Mais en tout cas, si jamais vous ne saviez pas quel deuxième métier vous voudriez faire, on a une liste pour vous, des boulots bizarres mais qui payent bien. Jules, tu veux la lire? Bah écoute, j'ai vu que t'as rejeté ton portable. J'ai jeté mon portable parce qu'il vibre. Alors que vraiment, éteindre le vibreur aurait été plus simple, mais vas-y. Oui, mais je voulais faire ça vite. Je te laisse le dire, vas-y. Les métiers bizarres mais très bien payés. Le premier, c'est modèle de nu, donc rien à faire, et c'est payé jusqu'à 190 euros par heure. Plutôt pas mal. Oh, ça va, le tarif horaire est pas dégueu. Ouais. C'est plutôt pas mal. T'es nu, mais tu touches quand même pas mal, quoi. Et le deuxième, c'est sexeur de poussins. Ah, attends, laisse-moi avoir une idée avant que tu dises que c'est vraiment. Imagine le sexe d'un poussin. N'imaginez pas. Enchaîne sur ce que c'est, vite. C'est vraiment un sexe et un poussin. C'est les gens qui séparent les poussins mâles et femelles et malheureusement qui envoient les poussins mâles au voyage. Ouais. Métier qui va disparaître. Pour les nuggets. Bientôt. Hein. C'est, ouais. Moi, je l'avais en 2020. Ouais, 2022. Ah, j'ai vu le 2020, moi. Ah, 2020, peut-être 2020. Ouais. J'espère que c'est proche de 2020. Mais ouais, c'est pour la sortie de la PlayStation 5. Oui, c'est un coup de com'. Voilà. C'est un coup de com', on touche pas aux yeux. Si vous en avez une, envoyez-moi. Ça rapporte 4500 euros par mois. Voilà. C'est énorme. Bah, ouais, ouais, ouais. Après, c'est vite redondant, je pense. Hein. Ouais, c'est un boulot horrible, mais bien payé. T'as tellement personne qui doit vouloir faire ça instinctivement, ouais. qui doivent se dire, ok, bah, on va vous payer. Mais faut avoir, je pense que c'est parce qu'il faut avoir un moral un peu tenace. Ouais, comme en vrai, les mecs dans les abattoirs, quoi, en fait. Ouais. Quoique ça, c'est pas, je sais pas si c'est bien payé, mais en tout cas, c'est un boulot horrible. Bah, j'espère, parce que sinon, c'est-à-dire que les gens se plaisent un peu dans ce truc. Ouais. Et... j'espère que c'est pour l'argent. Faire du mal, j'aime bien. Il y a ramasseur de balles de golf, ça oblige peut-être à aller sous l'eau au fond des étangs pour récupérer certaines ça me balles. Pas. Hein, ça doit être ça. T'es tranquille, t'es avec ton matos. T'es sur ton matos, green. T'es sur ton micro, ce que j'allais dire. Allez, non, on serre la main. On est adulte. On fait des petits boulots, je te rappelle. Ouais, c'est vrai. Ça rapporte 28 000 à 95 000 euros par an. Donc ça fait déjà. 28 000, c'est déjà 2300 euros par mois. Ouais. En fait. Donc c'est pas mal. Et puis c'est mieux que les abattoirs et poussins. Ouais, ouais. Personne n'a tué. Pas de balles de golf à sexer. Ouais. Putain. Testeur de toboggan aquatique, alors. Bah, disons, potentiellement dangereux, ça. Par contre. Ouais. Parce bah, que c'est pas toi le premier à passer dessus. Ouais. C'est vrai. Mais tu peux te faire 38 000 euros par an, donc ça fait beaucoup. Senteur de peau. De peau. Et ça va être cool. Senteur de peau, genre tu sens. Des peaux de chambre. Tu sens les peaux. Ça peut paraître bizarre, mais de grandes entreprises paient des gens pour toucher, ressentir le contact de la peau d'étrangers après y avoir appliqué des cosmétiques. Ah, oh, bah, de la peau. Bah, ça, c'est pas si dérangeant que ça, au final. Ah, tu crois sentir de... ouais, la peau. Pas un PO. Tu sens les peaux. Ouais, bon. Ah ouais. Et j'avais entendu qu'il y avait des gens qui sentaient des matières quand, par exemple, ils font des voitures. C'est à l'intérieur des voitures neuves, c'est une odeur particulière. Et ben, il y a des gens qui sont des panels de senteurs de plastique et autres pour déterminer UFC que choisir. D'accord. C'est ça. C'est plein de métiers comme ça. Et ben, senteur de peau, ça rapporte 28 000 à 38 000 euros par an aussi. Et enfin, le dernier, c'est inspecteur d'égout. Donc, pas qui t'est allé sous l'eau, je préfère le truc de golf. Senteur d'égout. Oui, mais sauf que ça rapporte jusqu'à 70 000 euros par an, inspecteur d'égout. Ça fait 5 800 euros par mois. Ouais. Mais tu pues. Et là, les gens ne te sentent pas, du coup. C'est quand même un beau pactole, tu me l'accorderas. C'est vrai, je te l'accorde. Clément, je te laisse reprendre. Ouais, ouais, silencieux. Juste clore un peu le sujet vite fait. Ouais, mais on a déjà un peu parlé. En fait, oui, sur le rapport qu'on a au travail maintenant, c'est un peu compliqué comme passage, mais en gros, comme on l'a dit tout à l'heure, en fait, de toute façon, on n'est pas cantonné à un seul travail, on peut changer. Oui. Moi, pour juste citer mon père qui a changé à... Il avait presque 50 ans, il a changé de boulot pour un truc qui n'avait rien à voir, et maintenant, il s'épanouit totalement. Mais le passage a été compliqué quand même à son âge, mais en vrai... Alors, si c'est pas indiscret, qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il faisait et qu'est-ce qu'il a changé qu'est-ce qu'il a fait après en gros, il était chargé d'affaires, enfin... Un commercial Ouais, en gros, dans tout ce qui était climatisation, chauffage et tout ça. Donc un truc un peu comme je fais maintenant en soi, mais plus haut level, Mais dans la technique, quoi. Et maintenant, il est dans une boîte qui fait de... C'est dur à décrire, en fait, cette boîte. Qui, en gros, fabrique des objets pour aider les gens des qui travaillent. C'est compliqué à dire. Pour aider les gens qui travaillent. Font des pots. Mais ils fabriquent quoi, des logiciels ou vraiment des objets? Non, en gros, ils conçoivent des objets. Par exemple, pour vous donner un exemple, un établi, par exemple, qui peut varier d'auteur pour les mecs qui veulent bosser. D'accord, voilà, oui, pour faciliter, en fait, infrastructures, les outils. Ouais, voilà. D'accord. Et du coup, il est concepteur là-dedans et il a toujours aimé inventer, bricoler, etc. Et il s'éclate là-dedans, fabriquer des objets. Oh, il travaille pour la SNCF, des trucs comme ça, tu vois, des grosses boîtes. Voilà. Et il fallait leur faire des montres. Il est inventeur, on me dit, c'est un peu inventeur, un peu géotrouve-tout. Géotrouve-tout. Mais voilà. Mais du coup, ouais, vous en pensez quoi, vous? Je pense que c'est le principe de sortir de sa zone de confort qui met pas. Enfin, c'est le flou, quoi. Au moment où tu te dis, je quitte ce que je fais depuis tant d'années. Et... Quand t'es posé, sur un truc. Et puis tu dis, ok, je commence autre chose, que tu saches ou non, tu dis, ok, je commence autre chose, je sais pas si ça va marcher. Du coup, j'abandonne un truc où je suis sûr que ça va marcher. Et généralement, ça bloque, quoi. Mais, Dans mon cas, j'étais sorti de l'école pour faire un G-son, comme vous deux. Et moi, c'est plutôt la non-réussite qui m'a fait changer de changer de voie pour l'instant. Je pense que c'est sain de se poser la question. Même si tu es en train de faire un métier, te dire, mais est-ce que... Ce que je fais, ça me plaît. Est-ce que au final, ça me plaît? Parce que des fois, tu te mets bien en tête aussi à te dire, tiens, je veux faire ça absolument. Et tu te lances là-dedans, t'avances et tout. Et puis après, tu te dis, mais peut-être qu'en fait, je me faisais une idée de ce que c'était. Et en fait, ça me plaît pas, et peut-être que j'ai envie de faire autre chose, et qu'est-ce que je ferais d'autre, des trucs comme ça. Ouais. Et peut-être qu'au final, tu te dis, au final, tu y reviens sur le truc que tu es en train de faire maintenant, tu te dis, non, en fait, ça va. Enfin, ça peut être un truc comme ça. Ouais, une remise en question, par longtemps, ça fait pas de mal. Moi, j'ai peur que même si je fais le métier que je kiffe, j'ai peur de m'enlacer. Et après, de ne pas savoir quoi faire. Quoi. Ouais, je pense pas que ce soit un problème. Après, c'est sûr qu'il faut trouver, entre guillemets, autre chose à faire si jamais t'arrêtes, mais. Je pense pas que ce soit un problème de pas faire un métier toute sa vie, que ce soit celui que t'aimes Au lycée, on m'a toujours dit qu'on serait amené de façon à changer de métier, donc dans les voies classiques, je parle pas forcément. D'autant plus dans nos générations aujourd'hui, je pense qu'on est, on a faim de changement tout le temps pour et pour le métier, je pense que ça ira avec quoi. Mais c'est pas si mal en fait. Complètement. On n'a qu'une seule vie finalement, YOLO. Complètement, je trouve que c'est vachement positif par rapport aux générations d'avant. C'est clair. Et puis, on est plus une génération qui veut être libre de faire ce qu'il veut, alors qu'avant, c'était « Tu reprendras l'entreprise de papa, et puis tu seras à la pompe à essence. » On est un peu la génération... Quelque part, j'aurais kiffé, par exemple, que mes parents, ils aient un commerce, tu vois, en ville ou un truc comme ça, et que t'aies cette espèce de truc de sûreté où si tu sais pas quoi faire, si tu rates, tu vas là, tu vois. Ouais. Parce que des fois aussi ça peut être sympa, tu vois, comme tu disais, t'aimes bien les fruits, des trucs comme ça, imagine une petite épicerie, une famille qui faisait ça, Ça, tu es dedans quand, depuis tout petit, tu connais les trucs, quand il va c'est naturel pour toi, t'as rien à apprendre, tu connais, tout, la transition, l'apprentissage il se fait facilement, tu vois, t'as des trucs comme ça, des fois moi je me dis, tu vois, genre, et puis même, par exemple tu récupères le commerce, et imaginons toi tu veux faire un commerce d'autre chose, tu gardes l'établissement, tu changes ce qu'il y a dedans, et puis tu te dis tiens je vais vendre ça, tu vois, et t'as déjà ça, t'as déjà un pied dedans, tu vois, des trucs comme ça c'est cool. Bah, pour l'anecdote, par exemple, Steve Carell, je sais pas si vous connaissez ce gars, il a monté sa petite épicerie, je sais plus dans quelle ville. Et des fois, on en avait parlé je sais plus quel podcast. On en a parlé déjà. Ouais, dans le rêve, dans le même. Je crois que c'est ça. Et en gros, il continue d'être un immense acteur. Et en fait, de temps en temps, il va dans sa petite épicerie qu'il gère de loin, en gros. Et des fois, il se met à vendre, il met en rayon et tout, juste pour avoir le kiff de. D'être posé Parce qu'on revient à ce qu'on dit, tu vois, lui il est arrivé à une sécurité financière où il peut se poser la question de qu'est-ce que je veux faire parce que l'argent je m'en fous, et il s'est dit j'ai envie de voir d'autres horizons et il a peut-être toujours voulu faire ça, ça se trouve en fait et tu vois il fait comme ça, il y a des gens ils ouvrent des restaurants, des trucs comme ça parce que ils ont la passion de ça à côté ils se lancent là-dedans et ça leur plaît voilà, des choses comme ça quoi. Bah ce qui compte c'est de faire un métier de passion finalement. T'es la passion. Juste vite fait, en attendant que Jules revienne, vous avez vos pires boulots, si vous en avez à citer un par exemple. Vous en auriez un ou pas à citer, que vous avez fait par exemple. Moi c'était une expérience dans l'événementiel. Ah ouais, t'as fait ça où, ouais, c'était dans une petite ville vers Autun. Et j'avais trouvé un truc, c'était une annonce. J'y étais allé, en fait au début c'était étrange parce que le gars il venait me voir à mi-chemin, puis au final il fallait que j'y aille en entier. Enfin faire tout le chemin, quand je suis arrivé sur place les locaux ils étaient dégueulasses, il y avait de la merde de chat partout. Les gens ils mangeaient sur des tables, t'avais presque de la merde à côté, tu vois. C'était bizarre, tu vois, genre c'était on s'arrange, on fait ça à la bonne franquette, nanana, un truc comme ça. Et puis le gars il nous emmenait, il nous faisait installer des... il y avait aucune règle de sécurité, enfin genre c'était, il s'arrangeait avec tout quoi, donc c'était un peu n'importe quoi, c'était n'importe quoi. Mais c'était une mission, c'était un truc qui durait qui devait durer longtemps, où en fait j'ai fini par on a fait que installer des échafaudages et t'avais des gens, ils montaient, ils avaient pas les baudriers, je conduisais des trucs, j'avais pas les cassettes pour le faire, et ça s'est fini où le gars par exemple à un moment donné il nous fait aujourd'hui on va pas travailler, c'était le 14 juillet tu vois. Donc genre tu fais c'est normal, c'est parce que c'est un peu férié en fait. Mais du coup on a arrêté de travailler, mais ils nous avaient pas prévenu à l'avance et tout, donc tu te retrouves sur place à rien faire. Et il avait loué des appartements, mais c'était des chambres avec juste un lit, on faisait des horaires de bâtard, t'sais. Tellement t'es fatigué, tu commences à avoir des hallucinations, t'entends des trucs. C'est quel métier? Dans l'événementiel. D'accord. Genre installer des trucs, des feux d'artifice, des choses comme ça. Et d'ailleurs j'ai une anecdote là-dessus. Et donc on commençait à être fatigué, où tu t'as la lumière qui suit pas, tu vois. Genre tu clignes des yeux, tu sais pas combien de temps t'as fermé les yeux en fait. Des trucs comme ça, des trucs un peu comme ça. Et donc du coup on arrive sur un événement dans un tout petit patelin. Tu sais c'est vraiment le truc avec que des retraités. Et il devait faire un spectacle son et lumière avec des feux d'artifice. Oui. Ouais, je veux bien, ouais. Allez. Et en gros, donc on arrive sur place, donc on tire les câbles et tout, donc tout se passe bien. Et puis après, ils me disent, tiens, toi, tu vas te mettre derrière la console de mixage pour passer le son, tu vois. Et du coup, au début, c'est marrant parce que c'est vraiment comme dans un film, tu vois, il y a un gars, il me pose la question, il me dit, le fichier sonore, parce que c'était tout un truc enregistré avec une voix qui devait s'arrêter. En rythme. C'est ultra calé. Il me dit, tu veux le fichier sur une clé USB en MP3 ou sur un disque en Wave? Et là, j'ai même pas le temps de répondre. Et t'as une des collègues qui était d'ailleurs pas payée depuis 3 ans, qui travaillait sans contrat et tout, enfin genre des trucs, mais genre vraiment l'émission tellement vraie, La Quotidienne, c'était un peu des cassos. Il y avait le gamin qui il parlait, t'avais l'impression que c'était lui le patron, enfin genre c'est trop chelou. Voilà, mais t'étais où, mec? J'étais dans un truc stratosphérique. Et du coup, le gars, donc il m'aide, donc j'ai pas le temps de répondre, c'est elle qui répond à ma place, elle dit Wave, parce que c'est meilleure qualité, tu vois, genre je m'y connais en son et tout, voilà. D'accord. Et puis donc j'ai pas le temps de dire, et donc je fais, ils connaissent, c'est eux qui savent et tout. Donc on lance le truc, alors t'as le marron d'air, c'est le premier, c'est pour ouvrir le feu d'artifice en fait. Et donc t'as le feu d'artifice, et puis d'un seul coup, on entend que le truc il se décale, tu vois. Il se décale, et on comprend pas. Et en fait, c'est parce que du coup, c'était un CD dans un magnétoscope, et dès que ça explosait, ça faisait sauter le CD. Donc du coup, eh ben, le CD, non, il buguait. Et ouais. En fait, vu que c'était un magnétoscope de salon qui était branché sur un mixeur ultra performant. Et le seul truc qui bougeait, c'était le volume général, quoi. Ouais. Et le CD, du coup, il sautait. Et j'avais qu'un bouton, tu sais, avance rapide et ouais. avance... arrière rapide, mais tu sais, c'est le bouton où faut que tu restes appuyé, parce que si tu appuies une fois, ça change le oui, track. Bah, ouais. Donc tu arrives tout au début ou tout à la fin. Donc du coup, je reste appuyé, et tu sais, c'est genre des affichages en secondes, grosso modo. Ouais, et, ouais. Tout. Et le gars, il me fait appuie, c'est bon, non, appuie plus. Et puis après, du coup, après, il tu me devais pousse, recaler et ça me fait, à chaque ouais, fois. Et ça me fait appuyer, et on revient, et du coup, c'est un fiasco mais total. Ouais. Tu vois. Un fiasco total, mais de, ouais. mais de ouf. Et à un moment donné, je fais, bon, bah, je vais faire un. Tu sais, moi, j'étais là, genre, bon, je vais faire un petit fondu de son pour enlever le son. Le mec, il pousse ma DJ main, il baisse d'un seul coup, genre, en mode, tu touches plus à ça, non, c'est fini. T'es complètement incompétent et tout, nanana. Et à la fin, du coup, bah, ils me font, bah, moi, je sais pas, mets de la musique. En attendant, du coup, je mets du gros DJ Snake. Et t'avais tous les jeunes qui étaient là, qui m'ont fait, ouais, machin. Donc, ça, c'était cool. C'est bien. Et après, le gars, il est arrivé, il m'a engueulé parce que le CD, sautait. Et que c'était de ma ouais, faute. Bon, excellent. Voilà. Parfait. Donc, vraiment, pire rouleau, t'as raison. Ouais, et après, je me suis barré. Genre, je lui ai dit au téléphone non, mais si je veux voir des cassos s'engueuler, j'allume ma télé et tout. Ah, après, genre, t'as dabé, mais t'as fait tomber ton téléphone du coup. Ouais, c'est ça. Et du coup, je me suis barré. Et je te jure, genre, il y avait 3 heures de route. À partir du moment où j'ai quitté l'endroit, au moment où je suis arrivé, ouais. j'étais à 130 km/h tout du long. Donc, même en ville. Je voulais me barrer. En résidence. C'était. Voilà. Et en fait, ça s'est terminé. Vraiment, le truc, c'est que je déplaçais des grosses ballastes en béton super lourdes avec ouais. un engin avec une transpalette mais avec une grue qui peut lever, enfin un truc ouais, assez tout terrain, voilà. Ouais. Et en fait, ben, là où je devais poser les trucs, ça bloquait l'accès à un parking. Mais c'était normal que ce soit bloqué parce qu'il y avait des barrières. Donc ouais. moi, je pose là où je peux poser parce qu'en fait, il n'y avait pas le choix. Et donc, du coup, à un moment donné, il y a plein de gens qui venaient en voiture qui disaient « Oh, c'est bloqué, je ne peux pas y aller. Ben, faut redescendre, faut passer de l'autre côté, tout ça. » Et à un moment donné, tu as une dame qui monte et c'était un petit chemin de terre et des cailloux et tout. Ouais. Et elle dit « Ah, ben, je ne peux plus descendre, j'ai peur de descendre. » Je lui dis « Bah, si vous voulez, vous montez dans la voiture et moi, je descends, j'en ai vu plein, descendre, ça se fait. Ouais. » Je descends, j'arrive en bas, ça se passe bien. Et puis, du coup, je reviens vers là où tout le monde était posé, assis à ne pas travailler, puisque j'étais seul à travailler. Évidemment. Ouais. Et du coup, ils me disent « Ah, oh, mais pourquoi t'as fait ça ?» D'un seul coup, le gars qui s'arrangeait avec toutes les mesures de sécurité et tout ça, il me fait « Oui, mais imagine si t'avais fait un accident, tout ça. » Genre, d'un seul coup, il me fait un sermon sur la professionnalité, le professionnalisme et tout, alors ouais. que le gars, il avait pris un transpalette. Il y avait des gens sur l'échafaudage et il soulevait l'échafaudage. What ? Genre, mais n'importe quoi. C'est des trucs de malade mental. Tu sais pas, j'ai vu des gens, c'est des fous quoi. Ouais. Et tu te posais 5 minutes, t'avais le gars, il disait ouais, bah s'il a rien à faire, il a rien à faire et tout, il pourrait se faire. Ouais, d'accord. Je suis resté une semaine. Ouais, bah, t'as bien fait de une partir. Une semaine, ça paraît déjà très ouais, long. Ouais, c'est long, en vrai, des gens comme ça. C'est très très long. Mais j'ai rencontré des rappeurs grenoblois et bah, sur place. Voilà. Bon, bah, voilà. Ce qui compte, c'est un gars, ouais, aussi. Il y avait un gars, il était venu avec un quad. Et le gars, bon, désolé, il était un petit peu. Il avait des lacunes mentales, tu vois. Okay. Et du coup, il faisait. Ah, j'ai un quad, il est bien. Et ça peut monter vite, hein, ça va vite, ça peut ouais. monter les pentes et tout. Et il disait ça en boucle. Oui, c'est et bien, moment, c'est dis, bien. Je vais devenir. T'étais dans un autre monde. Ouais. Qu'est-ce que tu fais là ? Je vais devenir taré, voilà. Donc, ça s'est arrêté là. Peut-être si tu lui répétais que t'en avais rien à foutre, il allait arrêter. Ouais, mais voilà. Il allait répéter ça, en fait. J'en ai rien à foutre. Alors, chiant. Toi, Nico, ton pire boulot, ce serait quoi ? Tu as fait. Bah après ça ils paraissent tous pas ouais, si mal du coup, ouais. Non mais moi j'ai vécu des trucs je suis parti par hasard à chaque fois quoi. Mais franchement, le pire boulot, non je sais pas, j'en ai deux qui viennent en tête. Il y en a un, ça aurait été les livraisons en scooter de ouais. Alors, pour le coup c'était des sushis mais bon, pizza ou quoi, c'est pareil, pas mal. Okay. Et j'ai eu la bonne idée de le faire 6 mois, mais les 6 mois d'hiver. Et du coup les scooters avec les pneus lisses ouais. sur la neige, je suis pas chaud, enfin je me suis pris 2-3 vôtres assez mignonnes. Aïe aïe aïe. Sinon, j'ai fait de la destruction de cheminées sur des toits. Quoi ? Sans protection, sans filet, sans. Ah bah rien. Oui, bah avec c'est pas marrant. Et on montait l'échafaudage, on arrivait en haut, et puis avec c'est un marteau et un gars. Burin, paf paf paf, et les cailloux pouvaient tomber sur les gens sans aucune. Enfin, c'est. Pff. J'ai jamais compris comment c'était possible que ça se passe en fait. Ouais, pas de sécurité comme ouais, ça. Ouais, non, mais vraiment cool. Ouais. Il y avait un petit filet pour les jets de pierre, parce que bon, d'un moment, des bouts de cheminée comme ça. Ça fait mal quoi quand ça descend de 4 étages ça sur peut, la tête des gens. Ça peut. mais même pour nous, on n'avait pas de sécurité, rien. Et c'est vrai que j'ai pas fait ça très longtemps. C'était une mission d'intérim, mais putain. J'avais pas trop rigolé. Pas la meilleure mission, ouais. Non, j'avais fait ça 2-3 fois et puis j'avais fait. T'as dit à ton agence intérim mourir sur un toit. Non, j'ai pas envie. C'est fou quand même que les agences intérim te mettent sur des trucs dangereux. Aussi, à chaque fois, ça me rend fou. Elles ont une responsabilité normalement, ouais. Genre, mais en fait, je pense qu'ils sont pas forcément au courant. Ouais, je pense ça aussi. C'est vraiment un manque de communication avec les entreprises avec lesquelles ils nous font bosser. Moi aussi, j'ai des trucs là-dessus. Mais parce qu'ils ont pas forcément envie de s'emmerder avec des assurances s'il y a un accident. Ça, en fait. Ils doivent pas être au courant, ouais. C'est vrai aussi, les agences d'intérim, moi, ce qui me saoulait, c'est que quand ils te donnent du taf, ils te donnent du taf uniquement parce que, genre, t'as deux bras qui marchent, quoi. C'est ça, hein. Et le reste, on s'en branle. Ouais. Et j'étais là, je me disais, putain, ça me fait chier parce que je trouve du taf juste parce que j'aime. Tu vois, il y a des trucs d'intérim que tu pourrais faire qui pourraient être un peu plus épanouissement intellectuellement. Mais là, des trucs où tu fais que ça. Et sinon, ton deuxième pire boulot ? C'était les livraisons. Qui était pas. C'est pas dingue. Moi qui était dangereuse aussi, vu qu'il cassait la gueule. Ouais. C'est un peu dangereux, ouais. Enfin, surtout qu'ils en ont un peu rien à voir. Je passais toujours le cas, je sais pas si c'est le cas pour tous les trucs, mais pour le coup, l'entretien des scooters en l'occurrence. Pas ouf. Le niveau d'huile était pas. Déjà, tu mettais une heure à le démarrer, t'avais la moitié des trucs qui tombaient, t'avais les pneus super lisses, et puis comme il pleut les trois quarts de l'année, les trois quarts de l'hiver. Enfin, c'était le cas cette année-là, avec la neige aussi. Et puis j'étais pas équipé avec des vêtements non plus, donc en fait j'entrais chez moi. J'étais content, j'avais un sac de sushis, mais j'avais plus de vêtements. Très clairement. Moi j'ai une pensée émue pour tous les livreurs quand tu passes la nuit, il pleut, et tu vois, c'est les seuls dehors. Abusé, tout le monde est chez soi et tout, tu fais putain les gars. Tu vois les sacs des livres, tu fais respect quand même. Non, c'est vraiment. C'était pas un délire de fou, et puis ouais, les 2-3 vôtres que tu te prends quand il pleut. Personnellement j'ai rien de grave donc ça va mais ça peut arriver de se blesser ils sont pas si habillés que ça parce tu peux te taper des chocs frontaux assez rapidement quoi. Frontaux pardon non frontal ok si frontaux Baggins des chocs frontalo. Frontalo. Ce serait le frontalo cortex. Toi Jules ça serait quoi je regardais écoutez j'avais une petite liste là comme ça de tous les petits boulots que j'ai fait je voyais déménageur mais déménageur voilà quand on a déménagé du placo tu veux dire. tiens ça c'est rigolo ça moi j'avais monté des sommiers et tout sur plusieurs étages avec un gars et tout ça c'était mon petit boulot pendant très peu de temps. Le pire boulot ça a été le truc des brosses à dents je pense mais c'est au niveau de l'ennui. C'est juste que c'est ça te tue mentalement en fait. Tu te dis mais qu'est-ce que ça va être ça mon futur vraiment et du coup en fait c'est pour ça que si tu regardes ma liste là c'est le seul boulot qui est dans un bureau en fait. Les autres j'ai Jules imitation d'une brosse à dents pendant une seconde. Ça voilà, marche pas mal. Ah ouais. Je pense que au son au début j'étais pas convaincu et puis après je me suis senti une petite haleine fraîche. Et du coup, en fait, à chaque fois, le bureau, ça a été une fois, et à chaque fois, en fait, tous les boulots ont été bien. J'ai fait garçon de mariage, j'ai fait déménageur, Et une fois, j'ai fait déménageur avec Clément. Je le ramène sur un plan, on devait monter une machine à laver et des plaques de placo sur 4 étages, quatre. Et ça s'est très mal terminé. L'escalier était très étroit. En fait, le décor était lourd. Était pas optimal du tout. On mettait 20 minutes à monter chaque plaque. En fait, on a monté, je crois, deux peut-être. Et on lui a dit au gars, c'est fini. On arrête. On lui a dit, on arrête. En plus, on a fait des traces sur les murs. On a poqué. On a défoncé les plaques. On a dit, mais mec, on n'est pas déménageurs. On peut pas faire ça. On lui a dit, c'est impossible. Et du coup, il nous a dit, bon, je vais aller voir dans des salles de muscu. S'il y a des mecs qui sont chauds de se faire les bras, tu sais. C'était drôle. Il y a de la ressource quand même, les gars. Et puis plusieurs jours après, on avait. Il est pas con, c'est pas con d'avoir fait ça. Oui. Ah, ça peut marcher. Plusieurs jours après, on avait encore mal au dos et au bras. Mec, enfin, toi, je sais pas si je te l'avais dit, mais le mec m'a rappelé pour nous dire vous êtes dispo du coup, machin. Il était pas haineux. Pas rancunier, le gars. On l'embrasse, même si on l'a lâché, mais c'était impossible. On a fini en sueur. C'était dur. Moi, j'arrivais plus à plier le bras, Clément non plus. Enfin, on était dans le mal. Et pourtant, j'ai fait avec de l'intérim, de la livraison. Et ouais, et moi, j'avais déjà fait des ménageurs, tu vois. D'imprimante à 200 kilos, on était que deux. Et ça, j'y arrivais. On a jamais autant sué et après, on allait boire une bière pour se réconforter. Pas la même logistique, quoi, sûrement. Et c'est là qu'on est devenus amis. Non, c'est pas vrai. C'est un peu avant, quand même. Et après aussi, ces petits boulots aussi, je trouve que des fois, ça peut t'aider à voir plus clair. Justement, on parle de qu'est-ce qu'on veut faire comme métier. Ouais. Des fois, c'est des moments où ça te permet de réfléchir, ça te permet de... On va dire, c'est un peu comme t'es sous pression, et ça te permet d'un peu de créer ton diamant de vie. Bah, en fait, déjà, non, mais, un diamant en dinosaure. Moi, je pense déjà ça te fait de l'expérience et en plus ça te motive à faire ce que tu aimes. En fait. Moi, j'ai fait le dernier truc que j'ai fait là, c'était un truc d'intérim où j'étais dans une usine où je découpais des pièces en métal. Yes. Ouais. Et en vrai, ça me dérangeait pas. C'est automatique. Mais c'est ça, c'est le conseil de tolérance, il est de plus en plus important avec les trucs. Ouais, mais ça me dérangeait pas. J'étais dans mon coin, personne venait me parler. Ouais, voilà. J'avais des grandes lamelles en métal et tu découpais toute la journée. Et après, on me disait, t'arrêtes de faire ça, puis tu vas trouer des trucs. Et puis après, j'ai fait le tour de toutes les machines. Et puis, bon, après, tu te levais à 6h du matin et tout. Et je me suis dit, ouais, bon, j'ai fait le tour de toutes les machines. Puis après, t'entends les mecs qui sont là, bah, il te reste combien d'années à tirer avant la. Ouais, ça c'est le pire aussi à l'intérieur. Avant, avant la retraite, c'est la tôle. Encore 4 minutes avant la pause, fait chier, c'est trop long. Non, mais le pire, c'est de croiser des mecs qui sont là depuis 20 ans ou 30 ans et qui vont faire ça toute leur vie, en fait. Ouais, c'est le pire. Et après, les mecs sont sympas, tu vois. Ouais. Genre, le matin, ils discutaient, ils avaient le petit quart d'heure, ils parlaient de l'actualité, des trucs comme ça. Genre, des gens pas bêtes du tout, tu vois. Contrairement à ce qu'on pourrait croire, j'imagine. Et du coup c'était sympa, mais après j'ai fait tout le tour, je me suis dit bah ça va pas plus loin que ça. Et je voyais le soleil se lever et je me disais putain je travaille tant d'heures. Et je me suis dit si je travaille tant d'heures à faire le truc que j'aime faire, je peux aller v'là loin parce que je vois là j'ai les pièces de métal, des trucs comme ça. Et en fait si tu mets la même énergie, la sur même rigueur plaît, ou tu fais un truc qui te plaît, ça payera forcément, tu vois, je me dis. Donc, donc après j'ai dit bah j'arrête. Ça s'est super bien passé, genre c'était pas du tout dans la panique, dans le dégoût et tout. Genre justement j'ai pas voulu faire non ça me plaît pas et tout. J'ai fait oh j'ai un autre travail, j'ai trouvé du taf dans ma formation. Le boss était super cool, il m'a fait ah c'est bien vous trouvez du taf dans ma formation, bah, super, bravo, félicitations. Ouais, il doit avoir l'habitude aussi. Voilà, c'est ça, ils savent que les gens ils viennent, ils partent. Et puis ça s'était bien passé, je bossais bien et tout. Et, et ça s'était super bien passé, mais vraiment avec beaucoup de recul je savais que ça allait pas aller plus loin que ça. Et que si j'avais fait plus j'aurais peut-être vu les mauvais côtés. Et que c'était bien comme expérience. Et vraiment, je me souviens de ce truc où je me suis dit, bah, si je travaille autant dans ce qui me plaît, forcément, ça aura un résultat. Quoi. Voilà. J'ai le même ressenti, moi, sur mon boulot. Il y a un moment, j'ai envie de rentrer chez moi, mais ça me fait pas chier d'y aller. Ouais, et ça me dérangeait pas. Je me voyais, en fait, je ressors un peu grandi, parce que je ressors grandi, genre, de la bonne façon, pas en mode, ah putain, bon, c'est ça la vie, bon, bah, ok, machin, il faut travailler, ouais, mais je vais gagner des sous. C'est pas juste que je gagne des sous, c'est que je vois des gens que j'aime bien et mon métier aussi il est très enfin le boulot que je fais là il est très redondant, c'est vraiment je vais mettre tant de kilos de courgettes et machin, tu vois. Mais je fais des commandes, mais je sais pas, c'est grave cool et je découvre plein de trucs en fait. Et puis aussi je trouve que faire ces petits boulots ça te maintient dynamique. Parce que tu te lèves, tu bouges. Oui, voilà, pour garder un rythme de vie. Tu vois des gens, t'es sollicité, et c'est bien mieux que de rester chez soi à ce moment-là. Enfin, après, ça dépend des gens, mais. Ouais, et mais après, tu vois, genre, je trouve que des fois, aller sur un boulot comme ça, même si tu fais pas longtemps, ça te permet de te remettre le pied à l'étrier dans un dynamisme, dans une rigueur où tu te lèves le matin, et tu travailles, et tu vois des gens, et. Et t'es éveillé, et après, c'est facile après d'enchaîner sur, sur autre chose, tu vois, genre si t'as envie de faire un truc. Ça me paraît être une très belle morale. Ouais, on peut terminer là-dessus. Pour finir, parce qu'on est déjà à 2h20 de podcast. Non, on est à 2h en soi, parce que l'enregistrement. J'ai mon fin de jeu là. Oui, mais il est 23h. En fait, on va terminer. Déjà, on va clore le sujet. Et on va terminer en fait avec la fin de ton jeu, qui était animal ou pas animal, c'est ça ? Animal ou pas animal. Alors attends. Animal. Sanglier. Voilà, on va terminer sur le jeu tout doucement, voilà, tranquillement, on va se quitter sur ce jeu. Donc, allez, je vous remets le jingle. Oui, allez. Oh oui, le jingle. Simple comme bonjour. Simple comme bonjour. Ça fait toujours plaisir de l'entendre. Hein. C'est ça. Donc du coup, on va écouter le premier et je vous dis rien et vous essayez de deviner si c'est un animal ou pas un animal. Vous pouvez participer dans le chat, n'hésitez pas. Quel animal c'est aussi, si c'en est un. C'est ma cousine. C'est une perceuse. C'est ma nièce qui a 3 mois. On est clairement sur un enfant. Ouais, pour moi, c'est un enfant aussi. Est-ce qu'un enfant est considéré comme un animal ou... Alors, comme ça a l'air d'être un enfant, je dirais que c'est un animal. Moi, je suis team animal. D'accord, animal. Ouais, animal aussi. Animal, animal. Ok, alors c'est un animal, mais c'est pas un enfant. Alors, on nous propose une chèvre dans le chat. Une chèvre, toi, tu... Non, c'est pas une chèvre. C'est un chat, moi, j'aurais dit un chat aussi. Une tortue. Non, c'est pas une tortue non plus. C'est pas un chat. Non, c'est pas un chat non plus. C'est un animal. Dont on ne connaît pas le cri finalement. Une girafe. Ah, on connaît pas le cri. Un hippocampe. Il y a même une musique très connue en anglais qui pose la question, mais quel animal? Un renard. What does the fox say? Exactement. Donc ce n'est pas ting ting ting ting ting. On écoute le renard un petit coup. On nous a menti. Oui. Oui oui oui. Il glapit. Il communique. Voilà, un renard glapit. Alors là, attention, c'est parti. Ah, c'est peut-être si un animal marin, peut-être. Non, pour moi, c'est carrément un jouet en plastique. Moi, c'est carrément pas un animal, ouais. C'est pas un animal marin. C'est pas un animal. Pas animal et un animal marin. Eh bien, c'est un animal. Ouais, c'est ça, un animal marin, non ? Non, c'est pas un animal marin, c'est un oiseau. Mais non. Autant. Ah, mais c'est un oiseau qui imite. Exactement. Ah, oui, c'est l'oiseau en plus. C'est l'oiseau. C'est un oiseau. Ça s'appelle un oiseau lyre avec un Y. Et en fait, c'est un oiseau qui sait très bien imiter des sons. Il s'avère que celui-ci, il y avait des gens, des enfants qui jouaient avec des jouets et il reproduit ce son. Et vous pouvez aller voir la vidéo, il reproduit le son de singe, il reproduit le son de bruit de chantier, enfin c'est incroyable. Et comment ça s'appelle pour qu'on... L'oiseau lyre. OK. LYRE. Je suis d'autant plus dès que je vais pas avoir la réponse parce que je connaissais le. Et dans cette vidéo, il aime beaucoup ce son là et faut écouter, c'est assez subtil, il arrive à faire deux sons en même temps parce qu'il y a le piou piou et derrière si vous écoutez bien, il y a un espèce de en même temps. Non, c'est pas celui-là. Bravo, j'en profite pour dire bravo à Solim qui l'a fait. C'est un mec qui chip. Ah oui, on dirait de l'art tech. Ouais, c'est ouf, hein. C'est assez impressionnant. C'est. Et quand tu le vois faire, c'est vraiment incroyable. Bah, lui, il fait juste. Non, je pense qu'il bouge un truc. Il ouvre la bouche. Le fou est tout fait. En fait, il a un pistolet sur lui, il fait semblant. D'ailleurs, c'est lui qui a la bouche. Ouais, c'est ça. Il a une boîte à rythme. Alors, celui-ci... Il a Ableton. Qu'est-ce que ça peut être ? C'est un singe. Non. Une Merde. Tortue qui baise. Non, c'est pas une tortue une qui baise. Une girafe en plastique. Quand t'es... Ouais. On nous dit une grenouille qui se dégonfle. Ah, mon sexe non. Compresse. Pas loin d'un jouet en plastique. Finalement. Ouais, c'est un peu... Sophie la girafe. Et bah, c'est une chenille en fait. Oh, c'est pas vrai. C'est une chenille verte qui ressemble vraiment à chenipan de. Oh putain. D'accord. T'es ah oui, j'écris. Ouais, et quand tu la touches, elle se rétracte et elle fait. Oh. Je vais la réécouter maintenant qu'on sait. Qu'on peut s'imaginer. Oh, c'est mignon. Oh. Voilà. Peur. Je croyais que tu dire une chenille qui ressemble beaucoup à genre Danny DeVito. Clément, voilà, 5 secondes de Danny DeVito d'ailleurs. Vas-y. Mec, je sais pas imiter Danny DeVito, t'es ouf. Bah le pingouin. Ouais, Batman. Ouais, mais ça c'est sa VF limité en. Bah vidéo. Oui, bah j'en sais rien. Cobblepot. Et donc du coup voilà, c'est étonnant. Les ouais, insectes aussi font des. Enfin, on sait que les insectes font des bruits, mais voilà. C'est... Ouais. Ensuite, on a celui-là. Il y a une clim derrière. Hein. Alors, ouais. Ouais. Clairement. C'est des trucs pris chez des gens. Mais pour l'instant, c'est que des animaux. Alors moi, je dis encore animal. Est-ce que je peux le réécouter, s'il te plaît? Oui, c'est clairement un singe. C'est un animal. Alors, c'est quoi ? C'est un singe. Non. Je vais le tenter à chaque fois. Un oisillon ? C'est un insecte et ça ne vient pas de ses cordes vocales. Il frotte son abdomen. Est-ce que c'est un rongeur ? Je dirais, ça ressemble beaucoup à un rongeur, oui. Un serpent ? Non. Un sonnet ? Un bateau ? Un tamanoir. Un furet. C'est un insecte rongeur. Ou c'est un mammifère genre, c'est un mammifère rongeur très mignon. C'est un petit chinchilla. Un petit chinchilla de la région du sud du Mexique. De la région de PACA. On embrasse la région de PACA. Non, bien sûr, la région de PACA. Non, c'est un hérisson. Bon. Sérieux ? Voilà. Et ça fait un bruit d'oiseau, les hérissons, apparemment. Il se tient à côté d'une clim. Ouais, c'est ça. Forcément. Tu nous le refais un petit coup ? Ouais, chaque si vous voulez. Ouais, je suis désolé. Ouais, d'accord. Ça vient du trailer de Sonic, ce hedgehog. Nicolas, un petit peu de hérisson, peut-être ? Ça marche pas du tout. Un peu de clim, alors ? Une clim. Et donc, du coup, le dernier exemple, avant de finir. Oui, en beauté. Alors... C'est... C'est pas une chèvre, c'est une connerie ce truc. Ouais. C'est faux. C'est pas une chèvre. On nous ment. En vrai, c'est une girafe. Sophie, la girafe. C'est un alpaga. Donc c'est censé être vraiment un animal. C'est un animal là. Du coup. Bah, soit vous me dites c'est un animal. Bon bah, soit vous moi pas je un dis animal. Pas animal. C'est pas animal. Bah, je sais pas si tu crois que le truc du mouton c'est vrai ou pas là. Du coup. Ouais, la vidéo. Ouais. J'ai fait des recherches et apparemment c'est vrai. Bah alors c'est un mouton. Ouais, c'est une chèvre. Bah du coup, Sherlock Holmes. Bien joué, c'est une chèvre en fait. Ah, c'est une chèvre, c'est pardon. Une chèvre, ouais. Et en fait, il y a plusieurs autres vidéos de la même race de chèvres qui font à peu près le même son. Et je suis allé chercher sur internet et il y a des gens qui ont des chèvres qui disent que c'est récurrent que les chèvres fassent des bruits très humains. Et que la nuit, ça les réveille et que ça leur fait très peur. Très connu, et ça me permet de boucler la boucle. Parce que si je vous disais que ce son-là a été samplé dans une musique. est-ce que vous me croiriez? C'est Skrillex encore ça. Enfin, moi je te crois pas. Ça paraît improbable et pourtant c'est le cas. Ah oui. On reconnaît bien. Ça va s'arrêter dans tout le temps. Et voilà, c'était tout. En fait, c'était que des animaux, du coup. C'était que des animaux. Bravo, Quentin. Merci beaucoup pour ce jeu, c'était incroyable. Eh, sample comme bonjour. Voilà. Eh, on le connaît par cœur maintenant. Alors, bon, qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous reste à clôturer. Ouais, on va clôturer tout doucement. On va faire dodo. Juste, ouais, pour vous retrouver un peu, les gars, vous, vous faites du coup tous les deux de la musique. Ouais. Comme t'en fais, par passion, on va dire. On va faire une musique tous les deux ans de ma part. Toi, du coup, on va commencer par toi, Nico. Est-ce qu'on peut te retrouver pour tes projets musicaux au UGC de Confluence? Alors, à part l'UGC, ouais. Projets musicaux, j'ai sorti deux musiques que j'ai fait qui sont disponibles sur YouTube. Ça s'appelle Mon nom d'artiste, c'est Nuri, N-U-R-Y. Et voilà, il faut pas en avoir honte. Il y a eu deux musiques, Dopamine et Coléoptère. Très bien. Super. Et puis, il n'y en a pas d'autres qui sont forcément prévus pour le moment. Il y a l'album des Casseurs Flotteurs, je crois. En 2067. Il en a marre. Et puis, désolé. Et puis sinon, à part le côté musical qui me plaît toujours et que je vais continuer à expérimenter, je pense, mais je me laisse le temps. Ouais, mais... Je fais toujours des petits projets de mixage, de court-métrage, de sound design, de choses comme ça. Ouais. Et du coup, je vais continuer à en faire, il y en a 2-3 qui sont en cours, donc voilà, ça va sortir sur les plateformes. Pas de projet que tu peux vraiment parler. C'est plus difficile à produire peut-être Je peux en parler, mais en soi, enfin, c'est juste, ça va être, c'est des formats qui sont assez communs, entre guillemets, ça va être des courts-métrages pour des Nikon Festival, pour des kinos, des choses comme ça. Et, T'en as fait un avec moi, je crois. Ouais, on a fait ensemble. Enfin, j'ai un Nikon qui arrive et un autre projet d'un ami que. Briac, genre, je ne sais pas si. Oui, ça si, parlera, bien sûr. Voilà, un ami commun à réaliser. Et c'est pas le premier projet que je fais avec lui. On aime bien bosser ensemble. Et du coup, là, il y en a un autre qui est en route. Et bon, on le salue. Et puis du coup, voilà, 2-3 projets qui continuent. Et puis, le point de vue musical viendra quand ce sera. Le moment, quand l'inspiration sera là. Et on peut retrouver du coup tous tes projets sur. Globalement sur, sur Facebook. Après, passé un temps, j'avais fait une sorte de site WordPress où je mettais un peu. Un peu les trucs, mais qui n'a pas été actualisé sur les 27 dernières années à peu près. Donc... mais en soi, il y a quelques projets que j'ai fait dessus. Puis sinon, en soi, sur Facebook, il y a un peu des trucs qui tournent. Un LinkedIn qui est à jour peut-être. LinkedIn, non, j'y suis, mais je pense que j'ai jamais ouvert une page d'accueil. Tout le monde a un LinkedIn, mais personne n'en fait rien. Copain d'avant. Et puis. Et puis non, après Instagram, non, Twitter, non. Bon. Facebook, rarement. Ouais. Croisez-moi à UGC. Ouais, voilà. Ouais, si on va demander ton actuel. Voir des films. Voilà, pour la Reine des Neiges 2. N'hésitez pas à laisser un petit bifton ou un Big Mac plein de Mais en vrai, c'est toujours plaisir. Un plaisir à chaque fois que je te vois à l'UGC parce que je me dis, ah, il est là, Nico. Tu sais, à chaque fois, je te cherche un peu, c'est un peu le jeu. Nico, je me dis, à quel endroit il peut être ce soir? La ronde. Mais non, ouais, peu présent sur les réseaux, mais sur Facebook, s'il y a des musiques, des trucs comme ça, à chaque fois, c'est et informé. Et sinon, allez voir sur YouTube Nuri, N-U-R-Y. Absolument. Voilà. Et toi, Quentin, alors toi, un peu plus de musique, plus souvent en tout cas. Du coup, moi je fais de la musique assez régulièrement. Je poste le haut du panier. Ouais. Je prépare un clip sur une de mes musiques, j'en ai déjà fait un avant et j'en prépare un autre qui est assez ambitieux. Est-ce qu'on peut dire avec qui c'est? Parce qu'il est déjà passé ici. Ouais, il y aura Théo sur Agdo. Voilà. Oh, bah alors ça, voilà. On l'embrasse. On l'embrasse. Fais un gros bisou. Et du coup, il y a ça. Aussi, à côté, des fois, quand j'ai des petites idées de blagues, de sketch, je le fais. Ouais. Je le mets tout sur la même j'adore chaîne. J'adore ce que tu c'est fais. Vrai, ouais, c'est vrai, c'est marrant. T'es deux sketchs. C'est des trucs, mort. Ça vient. J'ai plein de trucs sur mon téléphone, en fait, des histoires, des idées de merde, vraiment comme ça. N'hésite pas à le faire, parce que c'est très drôle. Et en plus. Il est tout seul, enfin vous êtes deux. Ouais, et on est deux. Sketch à faire beaucoup ça. Plus ouais, vite que nous. Ouais, okay. On est un sketch, on en parlera après. Mais vas-y. Ouais, et du coup, tout ça, c'est sur la chaîne Ipsanox. Okay. IPSANOX. Et en fait, si vous mettez Ipsanox dans Google, vous tombez forcément sur moi parce que coup de chat, ça n'existait pas. Ah bah. J'ai réussi en 2000, je sais pas combien, à trouver un nom de domaine qui n'est pas pris. Bah, nulle part. Figure-toi que nous, on a réussi en 2019 avec Turbo Rire 2000. Ouais. On est les seuls qui n'est pas pris. C'est notre nom de notre chaîne et c'est pas du tout pris. Et donc voilà, donc de la musique régulière. régulièrement et je me force à faire de la qualité. Mais on, donc YouTube, on peut te retrouver sur Insta aussi. Ça, ouais, sur Instagram, je mets des trucs quand je sors des musiques, quand je sors des vidéos, quand je fais des trucs comme ça. Ouais. Voilà. Sur Facebook, de temps en temps aussi. Voilà. Et SoundCloud aussi. SoundCloud, j'y suis pas. Peut-être à un moment donné, genre peut-être à la sortie de la musique qui est clippée, je mettrai les trucs sur Deezer et tout le bordel. Ah. Voilà. Trop bien. Et parce que celle-ci, elle est vraiment bien et tout, donc. C'est du projet sérieux là. Ouais, c'est du projet sérieux. Et puis après, à côté de ça, je fais ingénieur du son sur des tournages. Okay. J'ai fait une série complète de 5 épisodes, parce que j'ai pas fait le premier, de réalisation Arnaud Le Ligard, qui s'appelle Planète Coworking sur Lyon. Ah oui, oui, voilà, on peut aller voir sur YouTube. Avec, ça a tourné un peu, voilà. C'est sur pas mal. Aurélien Cavagna et Eliott Passo, qu'on aimerait bien inviter. Il y a des gens qui sont cool, c'était sympa. Franchement, ouais. Gros projet avec plein de monde. Le mec écrit bien, ambitieux. Et puis à côté, de temps en temps, des fois, des petits projets comme ça, on m'appelle pour faire une musique pour un jingle, pour... un petit court métrage ou venir prendre le son et tout. Et moi, dès qu'il y a un truc je sais pas, même tu vois, genre faire un concert, j'en sais rien, tu vois, dès que j'ai joué une occasion, si ça me plaît, j'y vais, quoi. Ok, voilà. Ok, ça marche, bah super. Et quant à nous, Jules, nous, notre actu principal, c'est Turbo Rire 2000, donc ouais, voilà, en montage de notre projet qu'on annonçait qu'on allait tourner, donc là ça y est, c'est tourné. Là ça y est, c'est tourné, c'est en montage, et c'est aussi avec Théo Surac. C'est aussi avec Théo Surac, comme quoi il est partout. Et meilleur acteur de sa promotion. Écriture de plein de courts-métrages qu'on va tourner quand on pourra. Et certains trop ambitieux pour nos modestes bourses. Mais après, je me disais, si vous voulez des fois nous solliciter, moi et la personne avec qui, enfin ma copine du coup, avec qui je fais les sketchs, oui. Parce que nous, des fois aussi, il y a des chances qu'on vous sollicite, si ça vous, si ça vous tente. Alors moi, on m'a envoyé un message pour me dire, on veut être techos sur ton sketch, donc il y en a un qui est déjà fait, mais pour d'autres, pourquoi pas. Non, mais voilà, franchement, est-ce que t'as un contact pour tourner dans une église? On en parle après. On note, il y a une église vers chez moi, dans mon petit patelin, il n'y a jamais personne dedans, et des fois la porte est ouverte, et moi j'y suis déjà allé pour enregistrer. Ouais, mais c'est un gros tournage. Bon, on va squatter. C'est un petit truc. J'ai bien fait de demander. Alors je sais que là, une fois moi j'y étais allé, il n'y avait personne, j'avais fait de la guitare. J'avais joué de la guitare tout seul dedans. Bah écoute, on note ton numéro et on t'appelle après. Comme à la radio. T'as joué Sympathy for the Devil. Et sinon, toujours Powercast. Normalement, il y en a un en décembre. Oui. On va essayer d'en faire un avant la fin de l'année avec des gens qui. Une personne qui est déjà venue. Et on peut les annoncer, non? C'est pas validé encore tout à fait, donc on annonce rien, on laisse la surprise. Okay. Donc un dernier podcast pour la fin de l'année. C'est Xavier Dolan. Et c'est tout. Après, retrouvez-nous comme d'hab sur Instagram, c'est là où on est le plus. Ouais, franchement, plus que sur Facebook. N'hésitez pas à vous abonner quand même à notre chaîne YouTube Turbo Rire 2000 parce que c'est là où on va mettre le plus nos projets sérieux. Ouais. Et sinon, les prochains invités, c'est Théo Perron-Bailly. Mais le mec, on nous dit d'annoncer. Bon, Thibaut Bertrand et Théo Perron-Bailly, qui est déjà venu. Théo qui reviendra avec une chronique, il me semble. Qui va faire aussi, une chronique. Voilà. Voilà. Il a droit à sa chronique. Mesdames et mesdames, on va se quitter là-dessus. En tout cas, merci à tous ceux qui nous ont suivis dans le chat et tous ceux qui ont écouté le podcast en replay aussi sur Spotify et sur Apple Podcast. C'est toujours disponible. Et sur YouTube également, d'ailleurs. Est-ce que c'est le podcast le plus long qu'on ait fait? C'est probablement l'un des plus longs. Ouais. Je ne sais pas, ça va dépendre. Je vais après le remonter un petit peu des fois. Vous pouvez être fiers. Voilà, en tout cas, merci les gars d'être venus. Merci. C'était super cool. Merci à vous. Merci beaucoup, les gars. Ouais, on s'est bien amusé. Encore merci pour ton jeu. Je t'en prie, c'était un plaisir. Gros taf. Ouais, on vous souhaite une bonne soirée à tous. Exactement. Ou une bonne journée si vous l'écoutez. Vous remercie d'avoir été présent. À très bientôt, sûrement en décembre, pour le prochain podcast. Bisous, salut, les gars. Bisous.